Et on va accueillir vendredi 20h23. Stéphanie, tu es dans la colo au petit paradis là, ce soir. Puis tu avais croisé. Ton prénom. Comment? Ouais. Vous avez discuté 5 minutes, enfin, c'est ça, un peu plus tôt. Pour, du coup, ça t'intéressait de venir. Non, je n'avais pas ça. C'est plutôt directeur de ma colo qui est toute là. Ouais. Ça m'intéresserait peut-être de venir voir les débats, quoi. Ouais. Pourquoi pas, hein. Ok. T'as pas été mandaté par l'ensemble de la colo pour vous rapporter. Ils ont tiré au sort et malheureusement c'est tombé sur toi. Alors qu'ils sont en train de faire la fête. Ouais. Ok. Je ne sais pas si tout le monde est familier de la VG Pride ou pas, peut-être à part Fanny. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui y a été déjà? Qui sait à quoi ça ressemble, disons? Oui. Jam. Jam aussi à la VG Pride. Qui a été à la VG Pride? Ouais. D'accord. Et toi? Oui. Donc là, la VG Pride, qui est, oui, je dis quand même, même si c'est sans doute clair pour quasiment tout le monde qui est ici, est une manifestation annuelle qui a lieu à Paris jusqu'à maintenant, une fois par an, jusqu'à maintenant, au mois de mai, et qui vise à réunir et à faire venir des végétariens pour les animaux. C'est vraiment la spécificité, c'est pas végétarien tout court, c'est végétarien pour les animaux. Qui viennent exprimer publiquement leur refus de manger les animaux en raison du tort, de la mort et des souffrances que ça cause aux animaux qui sont mangés. Moi, j'étais pas là au début dans les premières organisations, enfin à l'origine du projet, mais je sais que ce qui a fait émerger le projet, c'était en particulier de faire exprimer aux végétariens, qui sont quand même nombreux en France, plus d'un million probablement, le fait qu'il était pour des raisons éthiques pour les animaux et non pas pour des raisons de santé, par exemple, personnelles, comme souvent les végétariens dans le passé cachaient un peu les vraies raisons, quoi, pour ne pas remettre en cause la consommation de viande des autres. Je ne sais pas si... Il y a beaucoup de choses à dire plus par rapport à la VG Pride, mais on viendra peut-être dans le cadre de la discussion par rapport à un manifeste de la VG Pride qui définit le message et ce à quoi on demande aux participants d'adhérer. Donc la question s'est posée déjà à partir de l'année dernière, on se fait reposer un petit peu cette année, de savoir dans quelle mesure est-ce que la VG Pride doit ou pas faire une place, et quelle place à la revendication d'abolition de la viande. Voilà, dans quelle mesure on doit ou pas adapter la VG Pride à ça. Donc jusqu'à maintenant, il y a eu quelques échanges sur la liste d'organisation de la VG Pride à ce sujet-là, où il se dégageait quand même très majoritairement une volonté des gens qui se sont exprimés d'intégrer cette revendication, à une ou deux exceptions près, mais sans qu'on aille beaucoup plus loin à définir de quelle manière, quoi. C'est-à-dire... d'entre eux, faire une place, permettre à la revendication d'abolition de la viande de s'exprimer comme un message parmi d'autres qui pourraient être par exemple sur des pancartes par exemple ou dans des tracts distribués à cette occasion là ou quelque chose de beaucoup plus profond, disons, c'est-à-dire que la VG Pride elle-même ou son manifeste soit revu ou en tout cas beaucoup plus explicitement intègre cette revendication. Donc il n'y a pas eu de conclusion ni même beaucoup de discussion encore à ce sujet-là. Je pense que c'est l'objet de discussion maintenant. Pour profiter de son éducation pour essayer de traduire ça, comment intégrer ça, mais ça ne peut pas avoir une valeur décisionnelle vu que c'est la liste des organisations qui. Mais c'est vrai que pour discuter. On essaie d'imaginer collectivement quelque chose, une liste d'internet, je trouve moins intéressant que j'ai l'impression que c'est déjà compris dans ce que tu dis. Enfin, je dis, on va Moi, j'ai tendance à dire que oui, au moins un minimum, dans la mesure où les personnes qui sont inscrites sur la liste d'organisation, donc les dits organisateurs, quoi, sachant que cette liste est ouverte à toute personne qui veut s'y inscrire et qui adhère au manifeste de la VG Pride, sont exprimées très majoritairement pour ça, quoi. Voilà. Et là, une, peut-être deux, mais je me souviens d'une personne qui a dit être opposée, en fait, a plutôt exprimé que c'était une mauvaise idée que d'intégrer cette revendication parce qu'on n'était déjà pas assez nombreux à la VG Pride par rapport à ce qu'on voudrait, en l'occurrence, suivant les années, je pense entre 200 et peut-être 400, quelque chose comme ça, que parmi ces gens-là, il y en a qui ne viendraient plus parce qu'il y aurait cette revendication qui va ajouter quelque chose, une contrainte de plus, et déjà des gens soient venir à la VG Pride, donc ils seront moins nombreux à venir, c'était, je crois, l'argument de Christophe. Et qui disait en même temps le même message que bon, je sentais qu'il s'y opposait pas non plus, quoi, il trouvait que c'était une mauvaise idée. Voilà. Donc du coup, comme tous ceux qui sont exprimés par ailleurs étaient moteurs sur le fait d'intégrer au moins d'une manière ou d'une autre, donc, pour moi je trouve que c'est bon. Moi, je trouve que c'est nécessaire de l'intégrer, enfin, que c'est nécessaire que c'est, d'une certaine façon, c'est tout naturellement le lieu de faire une manifestation. Je veux dire que le sens de la VG Pride, elle est quand même très orientée dans ce sens-là, même si le manifeste n'est pas explicite sur le fait que la VG Pride elle-même demande l'abolition de la viande, c'est une manifestation qui exprime le fait qu'on considère qu'il n'est pas légitime de manger les animaux, ou qu'en tout cas c'est d'une légitimité extrêmement douteuse et que les végétariens remettent en cause cette légitimité, etc. Je veux dire, donc, je trouve que rester en arrière de la revendication d'abolition de la viande, ce serait, y aurait quelque chose d'absurde à ça. Ça ferait qu'on resterait dans un côté arrière-garde. En même temps, le problème, c'est comment l'intégrer tout en gardant un certain nombre d'aspects positifs de la VG Pride, c'est-à-dire le fait que c'est ouvert à n'importe quelle personne qui a la pratique de ne pas manger les animaux pour les animaux. Sans qu'on ait une exigence d'accord théorique quelconque sur une plateforme précise, théorique. Pas seulement pour une question de nombre, mais aussi pour une question de... Enfin, que moi, c'est un aspect que je trouve important, qui est qu'on est, on manifeste une pratique. On manifeste pas seulement une revendication. Quand on manifeste une pratique, je trouve que ça donne une force supplémentaire, une force morale supplémentaire aussi, d'une certaine façon. Et que si on remplace la VG Pride par une manif d'abolition, je ne sais pas comment on l'appellerait, enfin, si on fait simplement un remplacement, on perd ça, de la même façon que dans le passé, on a fait des manifestations antispéciste, et que, bon, à part le côté minoritaire de l'antispécisme, ça a la même faiblesse qu'aurait une manifestation, par exemple, antiraciste. Une manifestation purement antiraciste, de dire nous sommes contre le racisme, c'est, sauf en des occasions spéciales de protestation contre un acte raciste précis ou un truc comme ça, mais une pure manifestation antiraciste, elle tourne un peu dans le vide, quoi. Les manifestations qui se font, c'est de... souvent, c'est basé sur des occasions concrètes, sur des revendications concrètes, ou des trucs comme ça. Bon, l'abolition de la viande aussi, c'est une revendication concrète, mais je veux dire qu'on est loin de pouvoir faire une manifestation qui soit significative en tant qu'exigence de revendication concrète, quoi. Enfin, je veux dire, une manifestation... je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire, quoi. Enfin, moi, je trouve que ce qu'il faut... je pense, j'ai l'impression qu'à peu près tout le monde est d'accord qu'il faille faire avancer la Veggie Pride vers quelque chose du style abolition, et que le problème, c'est un problème de trouver le bon moyen de l'intégrer. Et donc, d'une certaine façon, bon, tu dis qu'on n'a pas autorité pour décider, c'est vrai qu'on n'a pas, d'une façon, on n'a pas autorité pour décider. La liste elle-même, d'une certaine façon, elle a une autorité limitée pour décider. Enfin bon, disons qu'à mon avis, c'est plus un truc de consensus maintenant, de trouver la bonne formule, quoi. C'est plus un truc de trouver la bonne formule que d'un truc de je sais pas, d'opinion divergente ou d'autorité ou quelque chose comme ça, quoi. Si nous on trouve la bonne formule, je pense que la liste elle sera d'accord. Ah oui, d'accord, oui. Oui, mais bon, je voulais rappeler que on va pas ici dire bon ben voilà, ça c'est voté. Oui. Enfin, non, mais on va pas voter de toute façon ici. Voir, mais ce que je comprends pas, c'est que la Veggie Pride, à la base, c'est quand même fait pour critiquer la consommation de viande et tout ça. Non. Moi, c'est ce que je pensais. Oui, mais c'est logique. C'est dans la continuité, juste. Ouais, mais c'est pas ce qui est déjà fait, non, ouais, dénonce ça. C'est différent. Pas exactement. C'est manifester, c'est dire nous existons, nous sommes des personnes qui refusons. De manger les animaux pour les animaux, qui considéreront que ça va pas de soi, que c'est pas forcément légitime de manger les animaux. Mais la manifestation en tant que telle ne revendique pas l'abolition de la viande, quoi. Jusqu'à maintenant. C'est globalement les droits des végétariens, en disant clairement que ce sont, comme les animaux n'ont pas de droits, finalement les droits, que ceux qui les défendent, et ben les droits qu'ont ceux qui les défendent, c'est en quelque sorte indirectement les droits des animaux. Donc c'est directement relié à la problématique des droits des animaux. Mais en disant, bon bah vu que pour l'instant les animaux n'ont pas de droit, au moins luttons pour nous nos droits à affirmer ce qu'on refuse, à pouvoir en parler, à ne pas être soumis à un matraquage idéologique, au ridicule, à la haine aussi. Pouvoir ouvrir le débat. Pouvoir ouvrir le débat. Voilà, ça c'est un gros. Mais du coup, c'est, même si en arrière-plan c'est les droits des animaux, enfin le droit des animaux à ne pas être torturés, tués pour la viande. Ce qui est quand même affirmé en premier plan, c'est les droits, c'est des revendications du droit du végétarien. À pouvoir manger le végétarien dans les cantines, à pouvoir cesser de subir les informations des médecins à travers les bouquins des médecins, des bouquins comme ça, ou en fait tous ces trucs-là. Ça convient encore à tout le monde, cette forme-là de. Ah non ? Ça convient encore à tout le monde, cette forme-là de. Moi, je ne pas. Moi non plus, oui. Et dans quel sens Moi, je me fous des droits végétariens. Je me sens pas. Ah oui. Je me m'en fous, mais. C'est la fin de paix, un peu pour le faire. Je crois que. Enfin, je sais pas s'il y a des gens qui. Je pense que. Enfin, moi, je pense que les gens qui sont. C'est quelque chose auquel j'apporte de la valeur et je pense qu'il est quand même. quand même une fierté quelque part. Mais, c'est mais non, alors non. Et en plus, il y a plein de gens qui, au début, dans le, par exemple, du mouvement antispéciste, ne sont pas venus à la Vigipraide parce que ça parlait de végétarien, alors que eux auraient souhaité que ça parle de l'humain. Moi, je trouve que cette. Cette opposition qu'on fait entre droit des animaux et droit des végétariens, c'est en fait c'est une opposition spéciste quoi. Enfin que c'est les droits des animaux qui existent aujourd'hui sont les droits des végétariens. Je veux dire les voilà. Du contenu quand on définit quand les slogans et tout ça ils sont clairement pour les animaux. Oui. Oui, mais je veux dire, moi, revendiquer le droit d'être végétarien dans les cantines, c'est revendiquer le droit de pouvoir être végétarien aussi. Oui. C'est revendiquer que les enfants puissent refuser de manger les animaux, c'est aussi revendiquer que les animaux puissent ne pas être mangés par un certain nombre de gens qui ne veulent pas les manger. C'est très pour revendiquer le droit de végétarien, c'est seulement dans la planning où il y a le gosse qui parle. Oui. Et il y a une voix off aussi plus masculine d'adulte uniquement, et qui dit ça justement vers la fin, qu'on souhaite que dans les cantines on puisse. Et c'est seulement là que ça va revendiquer. Et ça va super vite, mais il faut être au bon moment. Mais pendant toute la manif, Pascal avait raison, les slogans ils sont super centrés sur les animaux. On peut même revendiquer quoi. Bon, on veut aider, alors que j'ai rien à faire. Non, c'est. Non, mais ouais, c'est justice pour les animaux. On peut vivre sans tuer, enfin, c'est pas vrai qu'il y ait des végétariens. Mais je comprends ce que tu dis là, ok, mais pour quelqu'un qui n'est pas, pour quelqu'un de l'extérieur, qui ne sait pas trop poser une question, qui ne connaît pas bien les végétariens, je ne sais pas quoi, il peut en effet, quand on dit les végétariens donnent des repas dans les cantines, des trucs comme ça, ils peuvent penser au premier abord que c'est pour notre bien-être personnel. Que, oui, oui, je pense que le reste de ce qu'on dit, je veux dire, est assez clair par rapport à ça, quoi. Donc, c'est pas... Mais en même temps, je sais pas, le côté... moi, je revendique pas pour moi du tout. À partir du moment où on se met un petit peu en solidarité avec les animaux, je veux dire, notre oppression, c'est un petit peu la même que celle que subissent les animaux. Je veux dire, c'en est un morceau, même si c'est un petit morceau. Je veux dire, le fait que nous, on ne puisse pas bouffer dans les cantines comme nous voulons, c'est un petit morceau de l'oppression que subissent les canards qu'on voit dans le film, etc. Et je... Pardon ? Mais non, c'est le... Non, mais je trouve que c'est vrai, mais c'est très peu l'oppression des animaux, c'est ça ? Oui, mais alors, je veux dire que c'est très peu, mais c'est celle qu'on subit et on a à... Enfin, je sais pas, j'ai pas envie de... De la terre, non ? J'ai pas envie de faire comme si elle était d'une autre nature. Oui, mais il s'agit pas de ça. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est que je crois que justement, c'est l'intérêt aussi de cette histoire d'intégrer la revendication de l'abolition de la viande, c'est que... là, parmi les revendications, il y a une revendication clairement par rapport directement par rapport aux animaux, et la revendication par rapport à nous, elle s'intègre complètement là-dedans. C'est-à-dire que, eh ben, en attendant, nous, on veut lutter pour ça précisément. Quoi. C'est nos revendications précises. Parce que nous, ce qu'on dit, nous, au CPE. Nous ? Nous, au CPE. Les revendiquants. J'ai pas compris. Non, au CPE. Non, c'était pas bon. Oui, je pense que ce n'est pas nécessaire de parler de restaurants, si on va parler d'abolir les viandes, ça signifie forcément que tous les restaurants vont avoir des nourritures végétariennes. Ce n'est pas nécessaire de parler de ça. Et en fait, quand les gens demandent d'avoir des nourritures dans ce restaurant, ils disent, est-ce qu'il y a une option ? Ça, c'est quand les restaurants commencent à changer. Dans les États-Unis, dans les dernières... Il y a de plus en plus, d'options dans ce restaurant. C'est parce que les gens arrivent, ils se disent, est-ce qu'il y a quelque chose de végétarien? Et ils se disent, oh, probablement, oh, à voir. Vous avez l'impression qu'il y a une différence De nature, entre dire excusez-moi, je voudrais un sandwich végétarien à la cantine, et dire à la radio ou dans les médias, dire je voudrais pouvoir m'exprimer, enfin je veux dire s'exprimer dans les médias, c'est s'exprimer dans les médias pour ouvrir le débat. Refuser de manger de la viande à la cantine, c'est refuser de manger de la viande à la cantine pour ouvrir un débat. Je veux dire, c'est le même geste. Oui, sauf que ça ne va pas être une niche écologique, et pas à tort. C'est-à-dire que quand même, on sait très bien qu'il y a beaucoup de gens qui vont cesser de manger des animaux par conviction, par rapport aux animaux, mais une fois qu'ils ont fait ça, ils ne vont pas spécialement militer, ils vont même très peu militer, bon, aussi parce que ça a un coût, effectivement, c'est lié, mais c'est aussi que bêtement, ils ont trouvé leur niche écologique, leur niche sociale, ils auront leurs copains qui sont végétariens et tout ça, et puis ils sont bien là, et ils ne vont pas y trouver besoin de militer. Donc il y a ça quand même aussi. C'est qu'il y a le côté végétarien pour soi avoir une conscience pure, mais quand même très fort, qui existe très fort. Tu peux faire ça à n'importe quel niveau. Tu peux dire, il y a des gens, ils ont collé leurs affiches, ils rentrent chez eux, ils ont la bonne conscience. Enfin, je vois pas une. Enfin, c'est vrai que ça existe, mais je vois pas pourquoi on se focalise tant sur cette histoire. Est-ce qu'il ne faut pas du coup voir dans le cadre de la Vegipride, l'expression qu'on refuse de manger les animaux comme un boycott, du coup, quoi. Et pas ce côté. Je voudrais pour moi pouvoir trouver des plats végétariens, mais si je comprends un peu, mais pas jusqu'au bout, ce que tu veux exprimer, en tout cas moi je ne le ressens pas bien, j'ai l'impression qu'il y a peu de gens qui le ressentent. Moi je le perçois même comme un truc un peu personnel, j'ai envie pour mon confort, ma facilité de vivre, etc. Même si je comprends aussi ce que tu dis, mais... Alors que si on me le présente comme un boycott, c'est autre chose de dire je veux pouvoir boycotter, je suis contre la consommation de viande. Moi, je la boycotte, et donc quand je suis, par exemple, dans une cantine, je veux pouvoir boycotter aussi, quoi, pas être forcé d'en prendre, en gros, quasiment, quoi. Ce qui n'est pas tout à fait pareil, je trouve que quand on dit... Je ne comprends pas pourquoi il faudrait opposer ça à l'idée de facilité de vie. Je veux dire, moi, j'ai un certain courage jusqu'à un certain point, et pas au-delà. Je veux dire, si chaque fois que j'ouvre ma gueule pour dire... non à la viande, on me donne un coup de poing dans la gueule, j'arrête de le dire. Si tous les gens qui voudraient arrêter de bouffer les animaux, on les force à bouffer les animaux, et ben ils vont pas le dire. Donc moi je suis pour ma facilité de vie, je suis contre le fait qu'on m'opprime, je suis contre le fait qu'on opprime l'expression de ma parole, et donc je suis pour ma facilité de vie à pouvoir ne pas bouffer les animaux. Enfin, c'est pas... Enfin, je comprends pas pourquoi il faudrait opposer ça à notre message militant. Mais pourquoi opposer ce message militant? Pour moi, c'est pas la raison principale qu'on ne peut pas avoir. Et c'est le droit aussi pour les gens de devenir végé. C'est le droit... enfin, moi, si je demande qu'il y ait des repas végés dans les cantines, c'est pas pour moi. Moi, j'y vais pas dans les cantines scolaires. C'est pour que d'autres puissent... Pardon ? Ceux qui ont pas envie de faire, tu parles des gens qui veulent avoir un Oui, mais si je dis je suis pour le débat, je suis pour que les gens qui sont contre la viande puissent s'exprimer dans les médias. Tu vas pas me dire, ah oui, mais les gens qui veulent pas critiquer la viande. Alors pourquoi est-ce que, si je dis je suis pour que les gens qui veulent plus manger les animaux puissent refuser de manger les animaux dans les cantines, tu me dis, et les gens qui veulent pas... Aussi, je suis pour que les gens qui veulent continuer à manger les animaux ne puissent plus, je suis pour l'abolition de la viande. Mais pour arriver à l'abolition de la viande, il faut que le débat il puisse s'ouvrir, il faut que les gens, puisque nous ne sommes pas des surhommes, il faut que les gens puissent, dans des conditions à peu près confortables, arriver à exprimer leur refus de bouffer de la viande, etc. Et donc il faut qu'il y ait le choix végétarien dans les écoles et que les gens qui... Non, je suis bien conscient que dès qu'on parle de choix végétarien, on a l'impression de tomber automatiquement dans l'idée de chacun son choix, etc. Mais j'ai l'impression que l'espèce d'attraction qu'exerce cette ornière dans laquelle on ne veut pas tomber fait qu'on refuse un truc à côté qui est le fait que chaque végétarien qui voudrait devenir végétarien, mais qu'on empêche de devenir végétarien en lui foutant des baffes sur la gueule, ou en refusant, en lui mettant tous les obstacles possibles, eh ben c'est une expression en moins, c'est une expression qu'on empêche pour l'abolition de la viande. C'est... Voilà. Voilà, donc, et que la, enfin, qu'il n'y a pas une opposition, enfin, je veux dire que la demande de repas végétariens dans les cantines, pour moi, il n'y a pas une. Enfin, elle n'est pas d'une autre nature que la demande de temps égal de parole quand on débat du végétarisme, que la demande de. Enfin, je sais pas. Ben, disons que la question par rapport à l'abolition de la viande spécifiquement, c'est comment introduire l'abolition de la viande, alors que c'est déjà le cas, mais pas... Je parlais pas d'abolition. Oui, voilà, mais toi tu parlais de l'abolition de la viande. Ouais, d'un côté, il y a effectivement la fierté végétarienne, revendiquer les droits des végétariens, etc. Et de l'autre, il y a... Oui. Donc il y a quand même déjà une revendication des droits des animaux. Bah, quelque part, non, parce que vous, enfin, ah, d'accord. Donc les deux colonies déjà, en fait. Oui, mais en même temps, actuellement, le centre de la manifestation, c'est dire nous sommes végétariens, nous sommes contre la consommation de la viande et nous l'appliquons quotidiennement. Mais c'est pas une revendication d'abolition de la viande. Enfin, je veux dire, même si implicitement ça ressort des slogans viande égale meurtre, etc. Et j'ai le sentiment que si on officialise, c'est-à-dire si on remplace la Veggie Pride par une marche de l'abolition, par exemple, non seulement il y a des gens qui viendront pas, mais bon, ils sont pas forcément très nombreux, mais d'une certaine façon, on perdra une certaine force symbolique d'expression de quelque chose. Mais puisque là, s'il y avait ce remplacement, dans le sens que ce serait une manifestation pour l'abolition de la viande, vous serez bienvenu, toute personne soutenant cette demande-là, les participants ne seraient pas nécessairement végétariens d'ailleurs. Entre autres, oui, donc, pareil. Voilà, alors que ce que tu disais tout à l'heure, auquel j'adhère aussi beaucoup, c'est de dire que ceux qui participent à cette manifestation aujourd'hui, ce qui est une force, c'est qu'ils disent moi, je refuse de le manger, je le fais en pratique. Cette notion un peu de force morale que tu évoquais tout à l'heure, c'est pas juste de dire je suis d'accord avec une idée, quoi. Mmh. Est-ce qu'on pourrait pas. Enfin, moi, j'aurais tendance à dire, mais le problème, c'est que entre le dire et le faire. Il y a une certaine distance, mais moi j'aurais tendance à dire que ce serait bien s'il y avait la Veggie Pride et qu'il y ait une journée d'abolition à Paris avec des forums, avec quelque chose, avec des événements du style toute la journée ou tout l'après-midi, avec un lieu de rencontre, je sais pas, le palais de la mutualité ou je sais pas quoi, enfin quelque chose de... Le même jour. Oui, le même jour, oui. Oui. Mais la marche, elle est de 14h. Ça se démarre plus tard. La Veggie Prime, la marche dure une bonne heure, quoi. Au milieu d'après. Début. 2 heures, quoi. Début d'après. Mais après, est-ce que, par rapport à la position de la viande, est-ce que ça ne peut pas être dans la Veggie Pride au milieu d'autres slogans et sur les tables de presse, au milieu d'autres informations, sans que ça prenne pour autant le pas sur le discours habituel de la Veggie Pride, sur ce qui est montré. Est-ce que concrètement, il n'y a pas moyen aussi que ce soit présent dans la Veggie Pride sans la dénaturer, enfin, sans la dénaturer, sans la... Oui, c'est une possibilité, bah ouais. Oui, bien sûr, puisque la question c'était de savoir si dans la Belgique il y avait possibilité ou pas. Donc, on peut changer la commission et intégrer ce que vous voulez. Oui, ça c'est le même week-end. Moi j'aime bien cette idée aussi. De simple intégration. Dans laquelle de simple intégration Une journée, la journée sur l'abolition de la viande, le même jour que la VG Pride, ou le lendemain la veille à voir. Voilà. Et puis du coup, dans la VG Pride, s'intègre de manière, comme le décrit Pascal, voilà, cette revendication. Enfin, je trouve que la VG Pride, du coup, pourrait être plus courte. Ça pourrait être une simple marche et pas les parties, parce que la VG Pride, comme ça se passe, c'est une marche qui dure du style de 2 heures ou quelque chose comme ça, peut-être un peu plus. Et ensuite, des événements, happening, des trucs comme ça. Et le happening pourrait être plutôt du côté abolition, c'est-à-dire intégré plutôt dans le truc abolition. Et que la VG Pride, ça soit simplement un défilé à proprement parler, quoi. Mmh. Ouais, j'ai bien l'idée. Oui, c'est Jean-Marc. Il y a l'intégration au niveau aussi dans le milieu, comment ça peut être que la VG Pride soutient la campagne mondiale pour la pollution. Sincère dans le cadre de la campagne mondiale, mais peut-être plus soutien, je sais pas. Mais c'est que pour carrément faire le lancement de la campagne pour l'abolition de la viande lors de la prochaine équipe. Enfin, avant que ce soit annoncé avant, mais genre sur les affaires, genre un peu officiel en quelque sorte, dire voilà, aujourd'hui on lance la campagne pour l'abolition de la viande, pour la VG Pride, Non mais on peut le faire aujourd'hui. Enfin, j'aurais tendance à dire, par exemple, on dit VG Pride à 14h, à partir de 17h, dans tel local, enfin un truc un peu fermé, enfin, du style Palais de la Mutualité, mais peut-être que c'est un peu cher, enfin je ne sais pas comment ça marche, mais soirée, et toute la soirée, ce qui soit l'abolition de la viande et le lancement de la campagne pour l'abolition de la viande, donc avec... qu'on ne ferait pas le happening, mais que cette année-là, on enchaîne sur l'abolition de la viande. Quoi. Ouais, ou alors on fait un happening, mais on fait pendant l'after. L'after devient la campagne de l'abolition de la viande. Et nous, on fera l'after après. Ça laisse peu de place. Je trouve que ça laisse trop de place si on... L'happening, c'est bien, parce qu'en plus, les enfants peuvent y participer. Quelques messages qui ont été envoyés pour dire venez à la VG Pride, ici quelques mois, dans un mois, qu'il y ait aussi des messages invitant des relais locaux, quoi. Oui. Je vois que voilà, soutenir, faire ce qu'il faut localement pour voilà, sans nécessairement être inscrit dans les organisations et s'occuper de la Vigipride dans son ensemble. Quoi. Oui. Voilà, c'est ça, un réseau local, oui, tout à fait. Je suis vraiment d'accord que ça manque énormément et que c'est une des causes fortes du fait qu'il n'y ait pas plus de monde encore. Hein, j'en ai acheté ce matin. Ah non, du papier. Creuser cette idée qui paraît plutôt bonne, mais bon. Donc le mieux, je dis ça, c'est par rapport au thème sur le, spécifiquement la question de la question de la viande et de la végétale. Et que l'idée que tu soumets, le mieux c'est d'en discuter sur la liste d'organisation après. Quoi. Ah ouais. Et ça, c'est qu'on va pas prendre toi, la décision maintenant, ou dire tiens, quoi, est-ce que c'est ça soulève des questions, est-ce que les forums modérés ou pas, est-ce que les thèmes. on va dire qu'il devait aborder dessus ou pas, quelque chose de tout, dans un certain nombre de discussions à voir, qu'on va pas avoir ici, parce que c'est déjà ça. Donc, soit il faudrait que tu t'inscrives sur la liste de Gifra, c'est le mieux, quoi, pour proposer l'idée qu'on discute à une bonne, quoi, beaucoup plus que quelqu'un. Soit quelqu'un relaye ton idée, oui, quelqu'un ne comprend pas. Tu vois, l'un ou l'autre. Voilà. De la prendre en compte et puis de la proposer sur la liste. D'accord, si tu prends quelques notes, c'est ça par rapport aux discussions. Je suis pas certaine d'avoir tout compris. Tu peux mettre un pour des forums, d'ajouter des forums et qui améliorent le référencement. Voilà, d'accord. Et puis les documents, le slogan notamment, de les mettre sur le site. Avant le... Très bonne photo. D'accord, là. Qu'est-ce que je veux ? Micro. Ok. Est-ce qu'on peut imaginer, j'ai pas compris. Quelque chose déjà. Le masque et du son, etc. Au moment du salon de l'agriculture. Est-ce qu'on pourrait Il y a eu, enfin tous les ans, au moment du salon de l'agriculture, il y a une cinquantaine, je crois à peu près, de militants antispécistes, petite cinquantaine, une bonne trentaine, qui. Je n'en parle pas le mieux parce que j'ai jamais été, mais j'ai vu les images. Ils vont devant l'entrée du salon de l'agriculture, un jour donné, ensemble, et déploient une banderole en général au-dessus des porches d'entrée qui marque quelque chose comme Yalmer, probablement. Salon de la torture. Salon de la torture. Ouais. Élevage, esclavage, donc il y en a 7 en plus. Et le salon de l'agriculture, tous les ans. Se déguise avec des masques d'animaux, je crois, devant. Voilà. Du faux sang peut-être versé par terre, ouais, selon les années. Un scénario où c'était 50 ans plus cher. Puis il y avait des gens qui allaient par terre avec du faux sang et puis des masques d'animaux. Et en fait, on a certaines gens qui sortent. Est-ce qu'il y a donc un site ou une page qui résume toutes les actions et les rassemblements pour les militants, les activistes? Non. Ce serait bien. Il y a un émotion. Il y a pas mal de contrôles. Ouais, c'est vrai. Émotion. Et certains forums. Rapport à le. Comme là. Où j'ai eu. Par rapport à la proposition de David, moi je trouve. À part le problème de l'organisation du truc, mais moi ça me paraît vraiment résoudre. Comme il faut le problème qui était posé, quoi. Moi, je vois pas plus grand chose à dire, si ce n'est à commencer à réfléchir sur la forme que prendrait cette journée-là. Mais sinon, sur le principe, je sais pas si quelqu'un trouve que c'est une mauvaise idée. Ou... On reste sur le même jour. Alors, le même jour, la veille, le lendemain, je sais pas, après tout ça, ça peut être se faire discuter, mais disons associé à la Vigipride, moi j'imagine plutôt le même jour. Mais bon. Parce que si vous pouvez, c'est pas vrai, la Vigipride, ça va être associé. Ça serait quand même relativement séparé. Après, les gens peuvent dire, il y en a qui vont dire, moi je pense qu'ils sont pas très nombreux quand même. Mais bon, je vais venir à la Vigipride, mais je refuse d'aller au je sais pas quoi, aux rencontres, ou à l'action, je sais pas quoi, pour l'abolition de la peine. Quoi. Maintenant, c'est sûr que ça serait associé jusqu'à un certain point, mais c'est volontaire aussi, puisque là, le but de notre discussion, c'était de l'associer un minimum. Quoi. Je pense à la Gay Pride, c'était il y a 2 ans, non, il y a 1 an, je crois. On avait eu. Quelqu'un avait parlé d'inviter la Veggie Pride à la Gay Pride, mais bon, ça pouvait pas trop se faire, parce que la Veggie Pride, c'est pas. il n'y a pas d'association qui représente la Veggie Pride, quoi. Mais du coup, on avait su comment, un peu comment ça s'organise. Et dans la Gay Pride, il y avait un truc qui était que cette année, ils mettaient en avant la revendication de possibilités d'adoption des enfants, d'égalité des droits, ou c'était peut-être le mariage homosexuel. Ou, enfin, une revendication comme ça qui ne fait pas l'unanimité parmi les lesbiennes et les gays. Et qui ne fait pas l'unanimité non plus parmi les gens qui vont à la Gay Pride, qui peuvent être des gens qui vont soit qui sont lesbiennes ou gays, soit qui sont simplement là pour, en soutien ou pour d'autres raisons, enfin en solidarité. Enfin, la Gay Pride, c'est un truc où vont énormément de gens qui ont envie de manifester un peu dans ce cadre-là, mais qui ne sont pas forcément d'accord avec cette revendication-là. Et ils demandaient explicitement aux organisations qui s'inscrivaient, est-ce que vous êtes d'accord avec cette revendication? On pouvait cocher oui, non. On s'associe pas à cette revendication. Et bon, pour imaginer par exemple que la Gay Pride, qu'il y a un événement un petit peu à côté de la Gay Pride ou après la Gay Pride pour revendiquer ce truc-là, ça choquerait personne qu'il y ait des gens qui puissent aller à la Gay Pride sans être d'accord avec cette revendication, mais qu'en même temps cette revendication soit mise en avant à l'occasion de la Gay Pride, le même jour que la Gay Pride, un petit peu dans une effervescence commune à la Gay Pride. C'est un petit peu comme ça que je vois l'association entre la journée ou l'après-midi ou je sais pas quoi d'abolition et la Veggie Pride. Enfin, qu'il y a un lien fort, mais que ce lien fort n'est pas forcément un lien d'identité, ou ni dans un sens ni dans l'autre. Moi, je ne serais pas pour que la Veggie Pride déclare en tant que Veggie Pride, soutenons l'abolition de la viande, par exemple. Je trouve qu'il n'y a pas besoin dans ce cadre-là. On peut laisser la Veggie Pride telle qu'elle est. Simplement, moi, j'aurais tendance à dire que le happening n'est pas nécessaire dans ce cas-là pour la Veggie Pride, pour être à la limite un happening d'abolition, pour être détourné. Pardon ? Là, il y a un problème d'organisation, c'est-à-dire où se tiendra la rencontre pour l'abolition. L'apnée pourrait être au même endroit que la rencontre d'abolition, mais ce serait bien si la manif était aussi un peu dans le même coin. La mutualité, par exemple, c'est dans le même coin où on avait fait la deuxième Veggie Pride, c'est-à-dire le quartier latin. Mm. Alors, si la Veggie Pride, on la faisait dans le quartier latin, ce qui est peut-être pas l'idéal non plus comme quartier pour le faire, mais qui n'est pas non plus le pire. Mais bon, la mutualité, je sais pas, je rêve peut-être d'imaginer qu'on puisse aller à la mutualité, je sais pas combien il y a de place, c'est une très grande salle, mais en même temps... Je peux connaître les prix. Enfin, je pense que peut-être que si on prend vraiment au sérieux ce truc de lancer le truc d'abolition, on peut aussi avoir des délégations étrangères, avoir des... le genre de truc, puis Burin des fois, PETA qui fait son petit speech, le CRAC qui fait son speech, tout un tas d'organisations, enfin, j'ai un peu ça en tête, qui disent nous sommes pour l'abolition, nous le voyons comme ça, etc. Nous associons pour telle raison. Enfin, un truc qui en même temps est Burin, mais en même temps donne de l'énergie, quoi. Et puis il donne aussi la multiplicité des points de vue, Moi je trouve ça assez hypocrite, est-ce que c'est volontairement hypocrite ou est-ce que c'est vraiment... Je ne ressens pas comme hypocrite. Enfin, pas plus que ce que je disais sur l'association entre la revendication d'homoparentalité et la Gay Pride, où peuvent aller des gens qui ne sont pas d'accord avec cette revendication. Bon, non, mais je veux dire, c'est pas à ce niveau-là que je fais le rapport. C'est au niveau du fait qu'il y a une manifestation qui demande une certaine chose assez globale, assez... Bon. c'est des choses différentes qui se passent un peu dans l'effervescence. Les gens qui diraient oh ben moi je suis pas tout à fait pour qu'on interdise la viande, j'ose pas le dire, ou ça me pose un peu des problèmes, mais je vais à la Veggie Pride, ça me pose pas de problème pour dire que moi je suis végétarien pour les animaux, même si je vais pas jusqu'à demander l'interdiction. Et puis d'autres gens qui diraient moi j'arrive pas à aller jusqu'à être végétarien, donc je vais pas aller à la Veggie Pride, mais je suis pour l'abolition de la viande. À un niveau politique, je veux bien appuyer cette revendication, et puis... Donc pour toi, il y a une incompatibilité majeure, c'est que pour faire marche de la fierté végétarienne, il faut être végétarien pour revendiquer par son acte ce qu'on est, quoi. Oui. Et ce qu'on est bon. Et tandis que pour l'abolition de la viande, déjà, il n'est pas nécessaire d'être végétarien. Et là, c'est vraiment le droit des animaux. Enfin, c'est pas des droits des animaux. L'abolition de la viande ne parle pas des droits des animaux. Enfin, oui, enfin, c'est pas... Oui, enfin, en tant que raccourci, c'est à parler de l'abolition de la viande. C'est au niveau politique qu'on demande l'abolition de la viande au nom du fait que les animaux, il n'est pas légitime de les tuer pour sans nécessité, enfin, de les faire souffrir et les tuer sans nécessité. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a les deux ensembles de publics concernés, il n'y a pas un ensemble qui est inclus dans l'autre. Ce sont deux ensembles qui se recouvrent en grande partie, mais on peut faire partie de l'ensemble A sans faire partie de B, et de B sans faire partie de A. Même si A intersection B est la plus grande partie de... Oui, voilà. La plupart des gens qui font partie de A font partie de B, mais pas tous. Et inversement, la plupart des gens qui font partie de B... Donc tout le monde y prend son compte. Non, ils peuvent être plus grands l'un que l'autre, mais... Sinon, au niveau de la forme, c'est ça la question d'Antoine, concrètement, comment on fait. Est-ce qu'on veut projeter un film? C'est pas pour les rencontres ou les je sais pas quoi, l'abolition. Pour cette journée-là, j'ai parlé d'abolition de la viande. Est-ce qu'il y a un moment où on peut projeter des images sur un grand écran? Est-ce que par exemple ton appareil pourrait projeter sur un grand écran? Combien de qu'est-ce qu'il faut en matériel? Est-ce que ça peut se trouver, s'emprunter, se prêter, s'acheter, se louer, etc. Certainement. À la mutualité, en tout cas, oui. Ouais, dans une salle, oui. Si on faisait quelque chose à l'extérieur, c'est sûrement possible. Sinon, il peut y avoir des petites télés, je sais pas. Enfin... La petite télé, il y a des petites télés dans l'extérieur. Puis on va vous les coder, c'est bon. Il faut que les gens puissent travailler. L'extérieur, probablement, ça durera plus longtemps, finalement, puisque que d'habitude. Est-ce que ça, vous trouvez que c'est une bonne idée de projeter des images à un film? Enfin, en une soirée, on peut faire pas mal de choses et on peut effectivement y intégrer un film. Ouais, on peut intégrer aussi une partie musicale avec le groupe Tribunal Animal masqué. J'ai un souhait par rapport au film. J'aimerais que dans le film, il y ait au moins un moment où on entend les sons des animaux. C'est-à-dire ni de la musique. Enfin, il peut y en avoir des moments où il y a de la musique, il peut y avoir des moments où il y a une voix off, des moments où il y a la voix branchée, ou de l'animal père. Mais j'aimerais bien qu'il y ait un moment où c'est le cri du cochon, ça se prend toute sa souffrance. Dans le film, dans le choix du film, pour ceux qui vont choisir le film. Enfin, on n'est pas encore là, mais... Pourquoi pas, mais c'est vachement du détail, là. Non, c'est du détail, mais bon, une fois que c'est noté, il faudra avoir le coup, puis bon, ben, ça arrivera au bon moment. Mais après, il y a le... Enfin, toi, David, tu as déjà un petit peu une idée, enfin, qui se fait, je pense, au moment où tu parles, là, sur la forme que ça peut avoir, enfin, tu parles d'une salle, donc c'est quelque part... toi, l'idée principale de l'aspect de la rencontre, là, c'est déjà le terme rencontre, Mais tu peux me dire comment je vais interpréter ce que tu dis? Enfin, moi, c'est quoi le truc, quoi, pour, oui, enfin, moi, c'est... je me laisse aller à rêver, hein, je veux dire, mais me laissant aller à rêver, le congrès, je sais pas, ce ne serait pas un congrès, mais un peu comme les assemblées fondatrices d'un mouvement, mais pas fondateur dans le sens qu'il n'y a pas une association derrière qui serait fondée à partir de là, mais lancement de la campagne de la revendication avec... je pense que c'est important si on mobilise à un niveau international délégations de différentes associations et associations étrangères pour donner un côté mondial avec tentative de faire venir la presse. Si on fait bien les choses, on devrait pouvoir faire venir la presse avec le public, avec une entrée du style entrée payante, du style 1 euro pour faire payer la salle, enfin pour essayer de rentabiliser la salle, essayer d'avoir une salle qui... Je sais pas, on peut peut-être arriver à avoir 500 000 personnes, ce qui serait déjà un peu impressionnant. Mais à la VG Pride, on arrive à 400 personnes ou un peu plus. Là, si on essaye vraiment, on peut peut-être arriver à plus de gens, surtout avec un niveau international et en donnant vraiment une importance au truc. Et avec à un certain moment, un truc de lancement... la tribune qui dit voilà, nous sommes ici pour lancer le mot d'ordre d'abolition de la viande et avec une explication, avec les trucs. Tour à tour. Pardon bien, oui, voilà, les délégués qui. Tour à tour dans leur langue. Langue. Est-ce qu'on peut déjà penser à qui invite qui, la partition des tâches? Non. Non, parce que ça va lui en mai prochain, tu vois. Ah, ça va très vite. Il faut prendre en compte les élections présidentielles pour mettre la date. Enfin, ah. Il s'agit d'avoir des journalistes et que c'est à peu près en même temps ou un peu avant, il faut oublier. Ou avoir la mutualité avec les élections. Enfin, mais enfin, après, c'est une vraie décision, à mon avis. Ça va être intéressant politiquement de le faire avant. Mais ça peut être peut-être plus simple de le faire après. C'est un vrai facteur, quoi. C'est vrai que c'est un problème, ça. Plus qu'à l'envie politique l'année prochaine. C'est un peu la cata. Non, mais on peut penser aussi qu'au moment des élections plus fortes de toute la campagne, que les gens ils en ont marre, ça fait je sais pas combien de temps qu'on voit Sarkozy d'un côté puis je sais pas qui de l'autre, et que les gens ils ont envie de parler d'autre chose aussi. Oui. Et qu'un truc au milieu de ça, ça passera pas forcément inaperçu. Si c'est complètement décalé par rapport aux élections. Ouais, c'est ça dans ce cas. C'est mieux que ça se passe. Que ça? Ça se passe avant les élections que après. Sur le droit du champ. Mais on sait, la date des élections, souvent c'est tôt, oui. Hein, c'est souvent vers le 13 mai, le premier tour, et puis je sais pas quoi. Non, le second jour, le 13 mai. Hein. Avril et mai. Parce que ça va être chiant. En tout cas, c'est décidé assez tard. Vous avez la date de la VG Pride aussi. Il y a un moyen, c'est d'assassiner. On peut juger les élections. C'est même pas sûr. Non, mais non, parce que t'as un respect. Après, ça serait son suppléant, je prendrais la place. Oui, mais ça rapprocherait quand même les élections. Ben non, il reste normalement. Quand Pompidou est mort, il y a eu je ne sais plus qui en intérim, et les élections, ça les a peut-être rapprochés. Voilà. Ah bah, on n'a pas attendu la fin du mandat théorique. C'est aux États-Unis qu'on fait comme tu dis, mais en France, on ne fait pas ça. Ça a été décalé. Hein. Bon, à d'autres temps. Mais je crois que déjà sur les organisations. Non mais... De la VG Pride, déjà, il y avait beaucoup de gens qui voulaient changer la date. Et puis, ils ont dit, à la fin, on verra ça à la rentrée. Je veux dire, enfin, pour moi, là, moi qui m'étais opposé au changement de date pour la VG Pride, je trouve que ça un motif qui permettrait d'en discuter. Je pense pas que ce soit à ce moment-là bloqué. Non, moi, je trouve que c'est un motif éventuellement valable, sauf que le problème, c'est que ce motif, on... Enfin, la date des élections, sauf si on assassine Jacques Chirac, mais je crois qu'on a décidé que non. Non. Non, mais c'est enregistré, donc il vaut mieux que ça soit clair pour la bande. Donc, que... Et que donc, qu'on saura la date des élections relativement tard. Et je je ne sais pas exactement quand c'est décidé, c'est du style 3 mois avant, je crois. Ah oui. La date exacte. Et donc, si on veut réserver la salle de la mutualité, je sais pas si on peut attendre ce moment-là. Ah non, mais attends, c'est super à l'avance, à mon avis. Voilà. Ah ouais. Non, mais moi je dis la mutualité parce que je connais rien d'autre, mais... Ça, il faudrait commencer à la réserver. Ah oui, mais maintenant, enfin... Et c'est pas gagné, là. Que, pardon? Si la salle de la mutualité c'était impossible, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme autre salle? Il y a Falco qui avait un local. Moi je me souviens qu'une fois j'avais assisté au déprage, très journée, et puis le soir il y avait une acteur à la salle de la mutualité. Et là, il s'est passé quoi précisément dans du peuple? Musique, danse, tout. D'accord, ouais. Ou c'était pas un visée politique, ou il n'y avait pas des... D'accord, ok, c'était une fête. Enfin, comme quoi, c'est pas inenvisageable de réserver la mutualité, quoi. Mais par exemple, est-ce qu'il faudrait voir, par exemple, s'il y a pas peut-être plus de disponibilité le matin, ça me paraît un peu... Cette semaine, il t'envoie. Non, mais je veux dire aussi pour que les gens arrivent, quoi. Je veux dire, le matin, ça implique forcément que les gens qui veulent y assister. Voyage de nuit. Voilà, voyage de nuit, voyage la veille. Il y a, pardon ? Ben, moi, l'histoire de payer, c'est aussi parce que je pense que l'entrée doit être sans condition, enfin sans condition politique. C'est-à-dire, enfin, comme dans n'importe quel meeting politique, on ne dit pas aux gens, vous devez être d'accord avec ceci, cela, et on les filtre à l'entrée sur tel ou tel truc. C'est-à-dire, c'est pas comme la VG Pride. Donc, on va pas dire, ne peuvent participer à ce meeting que les gens qui sont d'accord avec l'abolition de la viande. Les gens qui vont... un meeting de Jack Lang n'ont pas forcément voté pour Jack Lang. Et donc, pour éviter aussi que ce soit totalement ouvert aux quatre vents, que le comité des bouchers du coin puisse venir et foutre la merde et tout ça, bon, on met une petite barrière qui est que si le comité des bouchers veut venir foutre la merde, il faut quand même qu'ils payent leur écho à l'entrée. Ça les, je trouve que c'est... Non mais c'est pas ça, c'est que, bon, non mais je veux dire, si c'est un commando bien organisé qui veut le faire, ils entreront, ils paieront, mais ce que je veux dire c'est que par rapport à la viande, tu peux avoir n'importe quel groupe d'imbéciles ou je sais pas quoi, je veux dire, et eux, ça les, ils vont pas avoir envie de nous subventionner parce qu'ils auront cette impression là. Moi, de la même façon que des fois, j'aurais envie de savoir ce qui se raconte dans National Hebdo, mais le fait de devoir payer un euro, enfin, je ne sais pas si ça existe encore, mais bon, des fois, je vois ça dans le kiosque et je me dis, tiens, j'aimerais lire la suite de l'article, mais je n'ai pas envie de payer un euro à National Hebdo, enfin, au Front National ou je ne sais pas quoi, pour lire la suite de l'article. Voilà, c'est tout. Ça existe dans d'autres domaines? Je pense que très souvent, on fait payer l'entrée à des réunions politiques, non? Enfin, je sais pas. Moi, c'est... Un euro, ça va quand même. Enfin, un euro, c'est pas. C'est voilà. Un petit peu, comment dire. Oui, c'est un peu du détail. Une fois, je suis allé au conseil général pour une association et ils nous ont dit nous, on veut bien vous donner, mettons, allez, je vous donne 10 000 euros, vous en faites quoi. Mais en fait, elle aimerait bien que chaque adhérent donne quelques centimes. Et nous, on veut bien vous donner un bon billet, quoi, mais c'est d'avoir quelques pièces quand même avec vos potes. En gros, enfin, toi, c'est quand même pas une minute, c'est pas aberrant, c'est un euro, c'est pas quelque chose. Mais d'un autre côté, s'il y a un enfant qui arrive tout seul, qui a faim, qui peut rentrer, je pense qu'on ne peut pas payer. Comment ? Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'idée, c'est que les gens qui iront auront une certaine motivation, que ce soit de la presse, que ce soit du public, ce ne sera pas forcément des militants purs et durs, mais auront une certaine motivation pour y aller. Voilà, c'est tout. Moi, comme militant, je n'irai pas à une réunion politique où je dois payer pour l'entrée. Enfin, voilà, par définition, militantisme étant un travail bénévole, s'ils font plus payer, voilà. Je pense que c'est le principe comme de pas mal de militants, c'est une élection qui se prend. Effectivement, un groupe qui veut faire chier, il rentre. Là, c'est pas normal de payer. Regarde, franchement, la Brigitte, elle a fait des affiches, donc je suis demandé, tout le monde est cédé. Bon, c'est normal que tu lâches un truc, tu dis ouais, bah ouais, combien elle est lâchée, elle n'a pas trop payé avec sa poche. Normalement, c'est un militant qui vient donner 1 euro. Déjà, t'en as t'en mets 30 allers-retours pour venir de Rouen qui est à seulement 100 km. Donc, si tu vas rajouter 31 euros, ah ben tu dis les pauvres animaux qui sont égorgés et saignés, ils souffrent beaucoup plus que notre euro, on va réussir à se faire. Non mais, enfin... Non mais, si la preuve de la motivation par l'argent, comme dans la psychanalyse, c'est un peu... Non, c'est pas une motivation par l'argent, c'est participer aux frais de fonctionnement. Après, il y a une autre façon aussi de faire du cas. La mission de la famille de mort, c'est plusieurs assos qui viennent sur une place, qui font une symbolique un petit peu, que vous connaissez, là. Mettre des masques sur le visage et puis s'allonger au fur et à mesure qu'on dit le nom des condamnés à mort. Et ensuite, il y a des stands tout autour avec et un discours sur une tribune. Donc, c'est sur la place de Concorde. C'est plus, ouais, plus, je sais pas. Et donc, en fait, c'est plus une espèce de mise en scène ouverte au public. Les passants passent, ils sont un peu choqués, ils regardent. Enfin, moi j'aurais tendance plutôt à voir un truc fermé, parce que d'abord j'ai l'impression que ça, c'est beaucoup plus facile de retenir l'attention des gens. Enfin, à la Veggie Pride aussi, à un certain moment, on... De retenir l'appui aussi, quoi. Oui, non mais... à la Veggie Pride aussi, à un moment, il y a un moment de lecture de texte. Je sais pas si ça s'est fait cette année. Mais bon, en général, c'est difficile de retenir l'attention des gens pendant une lecture de texte. Les gens, ils vont à droite, à gauche, ils bouffent, ils papotent entre eux. La sono a du mal à se faire entendre, etc. Dans une salle fermée, ça donne un autre aspect au truc. Tu peux faire un truc beaucoup plus organisé, avec une tribune, avec... Et je trouve que pour le lancement de la campagne pour l'abolition de la viande, ce serait bien qu'il y ait aussi une certaine... que ça s'appuie sur des textes, d'une certaine façon, qui est... Enfin, des choses dites, des pas seulement un niveau symbolique, avec un niveau style happening, un niveau visuel, mais qu'il y ait vraiment un discours. Mm-hmm. Des actes, des images, un discours. Oui, peut-être des actes, tu diras, publié après, ou un truc comme ça. Enfin, quelque chose voilà, qui concrétise un peu une certaine pensée qu'il y a derrière, qui dise voici ce qu'ils font de cette idée. En fait, ce qu'il faut voir, c'est quel est l'objectif. Déjà, quel est l'objectif, quel va être l'objectif de ce lancement de campagne. C'est un objectif pas politique, c'est un objectif pour toucher l'opinion publique, c'est un peu des deux, quel est l'objectif exact? Je trouve que si on le fait bien, il y aura un avant et un après. Enfin, je veux dire que après ça, le végétarisme, les trucs pour les animaux de manière générale s'inscriront de façon assez, assez automatique dans la revendication de l'abolition de la viande. Enfin, que ça deviendra quelque chose de central. Pardon ? Les objectifs à court terme du lancement comme ça de la campagne, c'est que ce soit dans les médias, qu'on en dise quoi. L'objectif, c'est de démarrer officiellement la campagne de l'abolition de la viande, co-signée entre tous les intervenants. Parce que par exemple, entre. Moi, je pense que l'objectif, il peut être effectivement médiatique, ça c'est important, mais je pense que l'objectif fondamental, c'est de lancer la campagne auprès des gens qui sont déjà des acteurs animalistes au niveau mondial. En contactant les organes, on demandait s'ils veulent soutenir cette mise en la campagne, et puis peut-être aussi s'ils veulent écrire quelque chose à oui. Et voilà, et que du coup, ça les mouille, ils rentrent dans un truc qui est à ce niveau-là, quoi. Enfin, avec l'histoire d'écrire. Ouais, mais c'est symbolique aussi. Peut-être. Non, mais c'est le principe de toute pétition. Oui, il faut toujours répondre à ça. Non, mais c'est pas. Oui, de toute façon. C'est parce qu'effectivement, c'est typiquement les trucs qui sont décrits dans les. Oui. Ah, moi, je peux. Oui, d'accord. Pour moi, une campagne de lancement, le lancement d'une campagne, ça se veut un truc super formalisé, super officiel. Il y a un buffet, il y a des discours, et il y a. Un buffet encore. Tu vois, c'est un peu ça le truc à chaque fois. Quand n'importe qui lance une campagne de n'importe quoi, c'est ce qu'on dit. Il y a une tribune où on dit pourquoi on fait ça, blablabla. Et. Même s'il n'y a pas d'action effective à ce moment-là, c'est juste pour marquer le coup et qu'à partir de là, c'est commencé. Non, mais en fait, le truc, c'est de décrire les objectifs que tu veux à terme, à moyen terme, à terme. À long terme, c'est un changement de la loi. Donc, tu veux peut-être que ça soit repris par une partie politique, à court terme, tu veux que ça soit repris par. Des journaux, de la télé, on voit quelles sont les cibles qu'on se fixe, on voit comment. Pour moi, je partage l'avis de Yves quand il dit que l'objectif premier, là, déjà, c'est de mobiliser le plus largement possible les militants et organisations animalistes mondiales. Voilà. Après, je veux dire que on va essayer que les médias viennent et en parlent, tant mieux, c'est tout bonus. Bon, okay. Mais, donc, en fait, c'est un interne, finalement, c'est ça la différence entre quelque chose qu'on fait pour solliciter l'attention à l'homme du bassin, comme ça, là c'est plus déjà mobilisé. Moi je pense que c'est nécessaire et oui, tout à fait. Un peu quelque part, comme ce qu'on a fait dans la réunion lundi ou cet après-midi, quand on présente la campagne, qu'on en discute, qu'on partage du contexte par rapport à ça, notre petit niveau, quoi. Là c'est pareil, une échelle beaucoup plus large, plus le côté symbolique du lancement, quoi. Et après la répercussion que cet événement peut avoir. Avant qu'ils se produisent, que les gens en parlent, t'y vas pas, t'as vu, regarde, qu'est-ce que c'est. Que l'événement, du coup, donne lieu à faire connaître la campagne, l'existence même de la campagne, pour ceux qui ne vont pas. Et puis après, ça permet de diffuser les gens qui rentrent chez eux, qui en parlent, qui étaient, c'est passé ça, j'ai entendu tel message, et puis des documents, un site internet, des apps, je ne sais pas quoi, qui ensuite vont pouvoir circuler pendant les mois et les années qui suivent, et faire connaître aussi la campagne. Mais dans le milieu animaliste, je pense encore. Phase où on en est, quoi. Et on peut inviter Jeanne Masse, parce qu'elle est végétalienne. Et si elle chante, ça peut faire quelques milliers de fans aussi. C'est pas sûr. Pourquoi ? C'est contre Jeanne Masse. Une fois, j'ai vu un report par une émission, genre du Caire, ou pas une grosse émission comme ça, tu vois. Il y avait plein de monde et tout, puis à un moment il pose là, une question et tout, elle dit non, mais de toute façon, je suis végétalienne. Et là, ils sont tous zappés et ils ont tous parlé de choses. Mais il y a plus de sur ce plateau. plateau, on a une personne qui prend 20 ans. Moi, je veux bien. Je veux bien chanter, moi. Et Elise, elle sera morte d'ailleurs. Hein? Respire par le nez, hein, comme on dit au Québec. Ouais. Mais qui ça compte sur demain, ça? Ça te fait rien comme ça, d'ailleurs. Tu dis pas, et on pourrait peut-être inviter des gens connus, des trucs comme ça, tu dis jamais. Et à chaque fois, du coup, ça fait un détail. Et tu as l'idée, elle est pas bonne, mais tu es. À chaque fois, tu le présentes sous la forme d'un détail super précis. Non, mais c'est ça, les détails. Les détails, ça. Autant d'importance quand tu construis une maison que le petit morceau de carton qui est un échéance de couleurs, tout petit, mais tu te rends compte de ce que ça peut donner. Parfois, le détail, ça peut pas. Oui, non. Il y a Ariel Dombal aussi. Ben oui, on a vu. On va pas passer en ville. Mais non, mais c'est pas la fin de Félix. Hein? Deux? Dombal, là, de Bernard-Henri Lévy. Oui, ben, ils sont pas confondables. Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse peut-être pas le voir complètement, mais au moins commencer à en parler, c'est la répartition des tâches. Les affiches, on les a reçues 3 jours avant le début de la Veggie Pride, et le jour même on les photocopiait, étaient en panne. Donc j'ai affiché tout seul avant, mes copains n'étaient pas là. Et le jour de la Veggie Pride, ils pleuvaient, on n'était pas venu. Alors maintenant, dis pas que je te remercie. On part d'ici avec au moins un qui fait quoi, un petit peu d'organisation. S'il y a une personne qui veut prendre en charge une responsabilité, soit pour la réservation de la salle, ou au moins comment ça s'en occuper, soit sur les invités, responsable d'association internationale, ou groupe ou personne. S'il y a une personne qui peut être responsable de la trésorerie, tout ça, je suis d'accord qu'il va falloir l'organiser et déterminer quelle ambition on peut avoir par rapport à une date qui n'est pas si éloignée si c'est au mois d'août ou au mois de mai. Après, on est encore là à la définition du projet. Il y a une demi-heure, David n'avait même pas exprimé l'idée dont on discute. Enfin, tu vois, donc c'est. À ce moment-là, David en veut donner. Voilà, à ce moment-là, moi je peux me contenter simplement de se dire jusqu'à tel mois, il faut que tel mois on ait une répartition des tâches. Dans l'échéancier, mais en novembre, répartition des tâches et frais. On part d'ici avec. Mais il va falloir faire un rétro-planning et tout. Et c'est sûr que si l'événement a l'ampleur qu'on veut lui donner là, tel qu'on le décrit, une façon d'organiser les estivales ou même la VP cette année, ça ne suffira pas pour que ça soit bien. Et auquel cas, il sera peut-être plus sage de décider que ce n'est pas en 2006, mais en 2007, et pour remplir le temps d'organiser quelque chose, voilà, on a les moyens. Quoi. C'est peut-être une question qui reste ouverte. Hein. Ouais. Mais ça, on saura qu'on aura un peu mieux, à mon avis, on était un peu plus loin sur la définition de ce à quoi ça doit ressembler. D'accord. Au niveau de l'organisation, c'est quoi la tendance de financement, est-ce que, par exemple, au moment où tu lances ce truc, tu proposes aux militants, associations, compagnies, des actions tout au long de l'année qui va suivre, enfin, est-ce que c'est un lancement sur chaque association qui s'approprie le truc et puis le diffuse à sa manière, ou est-ce qu'il y a une stratégie derrière? Ça va être une question. Je crois pas que tu poses la question comme ça, comme une question personnelle. Une personne qui... Je dis tu, en fait, c'est une manière de parler, c'est pas du tout. Je regarde peut-être avec les représentants d'associations, mettons un de vous, enfin je dis un de vous parce que vous êtes des anciens, des vétérans, des associations. un responsable de l'organisation. Moi, c'est celui, toi, il y a quand même 50 dans les animaux. Si vous arrivez à inviter le gars de la PETA, je veux dire un autre là-bas. C'est une femme. Une femme. Un de, je sais pas qui, appelle pas, craque, si vous voulez, tu vois, ou si vous si pas, je sais quoi. Enfin bref, hop, à une table. Que, auparavant, vous auriez donc les invitations, les textes, les négociations, etc. Jusqu'au moment où ils sont d'accord, où là, vous envoyez le protocole. Comment ça va se dérouler, sauf si ils veulent participer à cette organisation entre temps. Et ensuite, quand ça se déroule, il y a l'enchaînement de films, de débats, de textes, et ensuite, un moment où il y a chacun des représentants, il prend la parole pour signer. Après, on fait passer une sorte de livre d'or, là, il y a la signature qui officialise le démarrage de la campagne, enfin, de la mission. À propos des élections, on a parlé des présidentielles, mais il me semble qu'il y a les législatives aussi, après, non oui. C'est après. Qui suivent, ouais. C'est la démocratie. Est-ce qu'il peut y avoir complètement, carrément, un parti politique végétalien? Il peut suivre un crayon, mais après, il ne reflète pas que l'état d'opinion publique sur la question, donc à mon avis, il n'y a pas grand-chose. Et ben, alors, par rapport à la question de Valérie, là, c'était cette histoire En fait, est-ce que au moment du lancement de ta campagne, tu laisses chaque association s'approprier du truc et diffuser à sa manière, etc. Ou est-ce qu'il y a une stratégie ensuite de développement de la campagne? Est-ce que tu proposes aux gens, aux associations, etc., une stratégie pour continuer ensuite suite au lancement? Auquel cas, tu peux penser avant Tu en penses quoi? Donc, quand il y a eu le lancement là, du rapport sur la violence contre les femmes en février, vous avez vachement préparé. Oui, parce que tu dis, enfin, tout le monde sait que tu travailles avec le comité local d'Amnesty International. Ouais. Et donc, ils ont lancé un rapport en février. Donc, bien sûr, le lancement du rapport avec qui vous avez préparé tout, la Claudia, la chanteuse, la Diane, etc. Et ensuite, ils ont préparé une stratégie que chaque groupe localement fasse des tables de presse, présente le rapport, fasse des débats de ce rapport, etc. Et donc ils ont préparé du matériel pour les militants, pour accompagner la sortie de ce rapport, donc des tracts, des listes, tu vois. Enfin, il y avait toute une préparation pour toutes les suites, pour tout ce qui allait suivre le jour ponctuel du lancement du truc. Donc, il y a un programme, qui allait au-delà du jour du lancement de la campagne. Le problème que je vois, c'est que si on fait un truc un peu précis, avec une sorte de programme précis, on va être une sorte d'organisateur de la campagne, ce qu'il faut surtout pas qu'on vienne. Et il faut peut-être trouver une idée, enfin un truc pour donner des pistes sans qu'il y ait cette histoire qu'ensuite tout le monde spontanément tournera sa regard vers nous dans l'espoir d'avoir des signes de ce qu'il faut faire. Quoi. Il faut que cette campagne, il faut vraiment qu'elle se développe mais, à l'échelle mondiale, mais de façon autonome, quoi. Enfin, que chacun se l'approprie. Comme là, les végétariens sont aujourd'hui. Ça peut être dire aux autres associations, leur pitage, qu'on va inviter à la présentation de la campagne. On leur envoie évidemment le texte à l'avance, qu'on leur explique bien et tout, mais qu'on leur explique aussi qu'on voudrait qu'eux, ils se la réapproprient pleinement. Quoi. C'est-à-dire qu'ils réutilisent le texte, etc., et qu'ils prévoient dans les prochains mois, dans les prochains mois qui suivent. Dans les futures actions qu'ils font, ils prennent la compagnie. chose, peut-être que ce serait bien de prévoir 10 000 t-shirts imprimés avec des phrases et puis je sais pas quoi, tu vois, et puis les diffuser dans la rue. Je sais pas, les gens sont prêts du message. L'appropriation, et, mais ça se trouve, il y a différents groupes dans le monde qui sont déjà en train de travailler sur une campagne d'abolition de la viande. C'est vrai ? Peut-être. Ça se trouve. Donc peut-être qu'il serait judicieux de commencer par demander à toutes ces associations, est-ce qu'ils travaillent actuellement sur une campagne d'abolition de la viande ? Ceux qui disent oui, à ce moment-là, on met en commun. Ceux qui disent non, ben, on les invite à se joindre. Je crois qu'on le saurait. On ne sait jamais, on ne peut pas me poser la question. C'est possible, c'est extrêmement confidentiel, ça existe. Ouais. Non, mais parce qu'il y a pas mal d'échanges sur Internet, enfin d'infos qui circulent, des lettres d'information américaines, tout ça, enfin qu'on reçoit et tout. Oui. Ah, après, nous, et après, on arrive à enfin, moi, je pense que s'il y a des gens, c'est. Arrivé à ces conclusions-là, forcément. Comment ? Oui, oui, non, mais d'arriver à ma conclusion, ça, je pense, oui. Mais d'avoir organisé déjà des choses minimum visibles, je pense qu'on le saurait, quoi. Non, peut-être qu'ils, c'est sens que... peut-être qu'ils y réfléchissent. Mais j'espère bien, ben oui, c'est ça je pense. Oui. Alors dans l'échéancier, on peut commencer simplement par ça, contacter, demander s'ils font quelque chose, sinon on les invite. Au niveau du fait... Comme ça, ils doivent s'approprier. On est sûr qu'il n'y a pas de frustration de combat de chef. Au niveau du fait de s'approprier, enfin d'organiser les trucs après, je trouve que c'est pas... Enfin bon, c'est bien de se dire, oui, après il y aura des t-shirts et tout ça, enfin je pense que ça viendra d'une certaine façon assez naturellement, mais je le vois pas du tout comme une condition, enfin un truc qui doit être nécessairement lié à cette journée qu'on veut lancer, quoi. Bon, ton exemple par rapport à Amnesty, je trouve que c'est pas très significatif dans le sens que c'est Amnesty et des militants. Là, c'est pas nous et des militants, c'est nous et d'autres organisations. Et tel que ça se passe, je vois mal PETA se mettre à diffuser des choses qu'on aurait préparées nous, quoi. Enfin, il y a un certain cloisonnement entre les associations qui fait qu'elles tentent à diffuser que leur propre matériel. Ce qu'il faut, c'est qu'elles prennent à leur compte, à leur manière, la revendication d'abolition et que... Maintenant, c'est une campagne, enfin, je ne comprends pas ce que ça peut être d'autre aussi qu'avoir un échéancier, voilà, pour savoir ce qu'on va faire dans un avenir, un court et moyen terme. Ça dépend, il y a plusieurs types de campagnes, il y a des campagnes de journée. Je ne comprends pas. Et l'organisation, c'est pareil, ça n'arrive pas en une journée comme enfin, il faut forcément des propositions pour que ça puisse être. Je ne sais pas. Il y a peut-être des grandes lignes dans ce cas-là. Correspond de toute façon à grosso modo les stratégies des organes, quoi. Mais je sais pas, moi, lutter sur des abolitions, sur des aménagements de forme d'exploitation en explicitant la visée derrière, je sais pas, ça c'est vraiment des trucs qu'on n'est pas clair pour moi, mais des trucs très généraux, quoi, dans ce cas-là. Peut-être que ça pourrait être bien de demander à tous les organes susceptibles d'être intéressés par l'animaliste, susceptibles d'être intéressés pour récupérer cette campagne, pour eux, de réfléchir peut-être à au moins une première action, même si c'est symbolique, commune, et que nous en discutons avec eux, en fait. Oui, effectivement. Ah, là, et que du coup, oui, enfin, si on ne discute pas avec eux, évidemment, ils ont du mal à se faire approprier. Et peut-être essayer de dire, voilà, on va lancer la campagne et puis on prévoit quand même une action déjà à l'avance qui serait commune, même si elle est purement symbolique, si c'est juste dire tel jour, on fait je sais pas quoi, tu vois. Ouais, c'est donc, là, il s'agit d'un lancement interne, ouais. Enfin, vers les militants, de la possibilité d'éditer la campagne, ce serait bien d'arriver au moins à tout être d'accord pour un lancement public de la campagne, avec une date, enfin, en France. Enfin, justement, pour ouais, une date d'action médiatique. Mais forcément. C'est ce qu'a décrit David, moi, me semble être un lancement public. Enfin, c'est-à-dire que cette journée serait annoncée, il serait invité les personnes intéressées, et en particulier les médias, de venir rapporter ce qui s'y passe. Donc, en ce sens-là, pour moi, c'est aussi un lancement public. Non, oui, mais la presse. Mais tu dis après la médiatisation, c'est ça ? Oui, mais voilà, pour moi la médiatisation, je ne la vois pas. Finalement, j'ai l'impression que c'est vraiment de mouvements différents. Moi j'ai l'impression que ça, quelque part, c'est pas adapté, enfin du médiatique, je veux dire des actions de type médiatique, c'est-à-dire le truc où on pense que c'est photogénique, donc les journalistes viennent, enfin les caméramans viennent parce que ça passe bien en formaté, 15 secondes au JT, parce que c'est un peu choc tout ça. Je suis pas sûr que ce soit adapté en fait au lancement de cette campagne, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un certain nombre de collectifs de gens, de militants d'assaut au niveau mondial qui s'approprient cet objectif-là et qui veulent du coup le faire connaître. Et ben, les idées d'action médiatique vont naître de ça. Quoi. Dans la foulée de ça, ça devrait aider à ce que ces idées émergent et qu'elles soient organisées. Mais j'ai l'impression que c'est pas que c'est même pas tellement en cohérence avec cette journée-là telle que David la décrivait. Quoi. Je veux dire, enfin, la médiatisation de la campagne, c'est pour les décennies à venir, quoi, quelque part. C'est pas cette journée-là. Quoi. C'est, si de choses une, soit ça intéresse, effectivement, on tombe à un bon moment, on arrive à faire comme il faut pour que ça intéresse les médias de venir rapporter l'existence de cette journée, bon, sachant que si en plus il y a la VP dans la même journée, puis, il y a quand même de quoi filmer, tout ça, enfin, s'ils veulent, ils pourront faire quelque chose. Puis s'ils ne veulent pas, bah, tant pis, quoi. Mais c'est après, dans les mois, les années qui vont suivre. Un objectif d'un certain type d'organisation, ça va être de médiatiser cette campagne. Quoi. Et certains savent mieux faire que d'autres, certains peuvent le faire, d'autres pas, enfin, pour diverses raisons. Je sais pas, ça doit être un objectif de cette journée, moi, la médiatisation. Enfin, tant mieux, mais. Enfin, du coup. Enregistrer les discours et les mettre sur Internet. Oui, voilà, faire des actes aussi. Est-ce qu'on peut essayer de, si on a des copains aux États-Unis, admettons, par des associations, faire qu'il faut une Veggie Pride à mettre le même jour. Ben non, parce qu'ils ne viendront pas à Paris. Et sinon, la deuxième idée pour Jonathan et le contenu de du jour de la signature du manifeste, pas du temps que c'est pas, c'est qu'on se fixe une finalalité, c'est l'abolition de la viande, enfin, peut-être objectif final, mais des objectifs à différents termes, dont l'objectif sur un an. C'est-à-dire, voilà, sur cette année, nous allons faire ci, ça, ça, et l'année prochaine, on se retrouve et on voit si comment on a pu atteindre, à quel point nos objectifs qui sont. Moi, je trouve que c'est encore trop strictement défini par ce qui serait un organe, qui, je ne sais pas trop quel genre, pour moi, enfin, qu'il y ait des rencontres annuelles du mouvement mondial pour l'abolition de la viande, je pense que c'est indispensable, il y a des échanges électroniques et qu'il faudra organiser ça, et que ce serait un signe de vitalité du mouvement. Le fait de donner des objectifs annuels, ça doit être l'objet d'organisations qui adhèrent à cet objectif-là et qui donnent des objectifs comme, je ne sais pas, PITA qui donne un objectif sur l'abolition du foie gras pour l'avenir. Et les grosses assos fonctionnent comme ça, par objectif, avec des budgets affectés, tout ça. Mais pas au niveau de la campagne mondiale, où moi je ne vois pas un tel organe, au-delà de rencontres périodiques. Qui seront les organisateurs de l'instance campagne? Moi j'aurais une identité, par exemple. Je ne sais pas si tu as envie. Je suis pas sûr que maison de métis, c'est vrai. Le nom le comité d'organisation, peut-être s'il fallait donner un nom pour écrire une lettre en disant voilà, il y a ce truc-là qui est organisé, il y a une salle qui était réservée, vous voulez venir. Enfin, je ne sais pas si ce sera signé. J'ai peut-être besoin de mettre un nom d'ailleurs sur quoi que ce soit. En fait, oui. Non, oui, tout à fait, non, mais je. Ou que là, non. Non. Non, c'est les organisateurs de la journée, quoi. Voilà. C'est un comité de. Toute la campagne a été définie justement dans des termes extrêmement minimalistes, en fait. Surtout pas. Ça évite le piège du culte de la personnalité, peut-être. Par exemple. Non, mais aussi la campagne, la résolution pour l'abolition de la viande, elle a été rédigée en ayant tout en garde, la rédigée d'une façon avec une assise la plus large possible, la plus solide possible, mais la plus large possible, la plus rassembleuse possible. Donc, on ne va pas mettre en avant, on ne va pas faire de pub pour les antispécistes derrière, en fait, alors que le but, c'est que les associations de défense animale puissent y adhérer à cet objectif-là, quoi. Mais il y a beaucoup d'organisations qui vont avoir des objectifs. Ben, on ne sait pas, mais très peu au début, surtout en France. En disant, voilà, tout le monde. Mais on parle de ça. D'assaut étrangère, oui, d'assaut française, très peu. Mais disons qu'il y a quand même, enfin, si on regarde toute la liste des. Oui, bon, elles ne sont pas automatiquement d'accord avec l'abolition de la viande, mais je pense qu'il y en a quand même un certain nombre qui se poseraient la question. Ça, à mon avis, suffisamment en tout cas pour vous dire quelque chose d'intéressant ce jour-là. Oui. Enfin, il y en a qui sont très petites. Il y a par exemple les cahiers antispécistes qui sont aussi à terme. Les G-Press. Non, mais Brigitte, il faut être réaliste. Hein ? Faut être réaliste. Ouais, la question que nous pose plutôt, c'est est-ce qu'il faut viser 2007 ou 2008 quoi ? C'est-à-dire que je ne suis pas convaincu de la capacité qu'on a aujourd'hui à organiser quelque chose tel qu'on l'évoque là, dans les grandes lignes, de correct, à temps pour mai 2007. Quoi. Ou alors, est-ce que pour en plus de l'organisation de la Vigipride elle-même. Est-ce que pour 2007, on peut organiser une rencontre et on débat pendant cette rencontre de ce qu'on est en train de faire là, mais avec les autres intervenants? Moi, je verrais plutôt quelque chose de moins ambitieux avant quelque chose de beaucoup plus large et mondial. Quoi. Parce que dès que c'est mondial, ça veut dire que je connais les gens des mois à l'avance pour réserver des billets d'avion. Enfin, et ça veut dire qu'en gros, il faut que ce soit prêt dans 3 mois. Quoi. Et encore. Un truc moins ambitieux, mais qui pourrait aussi être le jour de la VP. Oui, ou le lendemain. Non, parce qu'on revient un petit peu au problème de départ, l'AVP et la campagne d'abolition, quoi. Non, mais on peut... Ça pourrait être quelque chose, mais qui ne soit pas le lancement mondial de la campagne, oui, voilà. les rencontres, la préparation, vous avez fait comme ça, mais enfin, quelque chose qui exprime que... voilà. D'accord. Oui, c'est là pour préparer le lancement de la campagne, quoi. Voilà. Ouais, d'accord. Et qu'il soit, voilà, on inviterait des gens de l'étranger comme on pourrait, quoi, autant qu'ils puissent venir, hein, mais probablement ce sera à ce moment-là des gens peut-être plus qu'on connaît de proximité, qu'on connaît déjà, des Rights for Animals en Angleterre, des choses comme ça, quoi. Que Ingrid Newker, qu'on ne va pas faire venir à cet événement, alors qu'on souhaiterait qu'elle soit présente, Ingrid Newker, c'est présente depuis tard, on souhaiterait qu'elle soit présente au lancement, quoi. Ouais, ça serait bien comme ça. Et du coup, voilà, ouais, non, mais on pourrait se dire simplement que le truc d'abolition, ça prend la place de l'after. Bon, en lui donnant pas le relief qu'on voudrait pour le truc de... Mais que bon, soirée abolition avec musique, avec peut-être quelques... Enfin, je sais pas. Je sais pas exactement quoi, mais... État d'avancement du projet aussi. Oui. On aurait travaillé déjà sur le lancement de la campagne pour décrire où ça en est. Mais les besoins d'aide. Réduire les idées des autres. Voilà. Non, imposer nos idées comme une Bible intouchable. Non, non. J'ai une question qui disait sur le développement de la communauté, la campagne, la mission de la viande, de lier trop avec les antispécistes. Peut-être que la végétarienne, c'est pas le meilleur choix pour être. Veggie Pride, c'est pas antispéciste. Hein. Pardon ? C'est quand même. En fait, je pensais que. Oui, chaque chose qu'on touche est connotée antispéciste, on n'est pas. Il faut qu'on change de nom. Non, non, mais. En fait, c'est parce que je pensais à un truc qui. Enfin, je sais pas si ça existe de manière très large ou pas. Mais genre une journée dédiée aux animaux, je sais pas si ça existe partout ou si ça existe. Oui, volontairement de choisir exprès quelque chose qui soit. Oui, je comprends. Et parce que plus, non, c'est en plus, c'est déjà un rassembleur de toutes les assises et mauvaises. Uniquement dans le refuge ou autre. Et en fait, c'est. Ce que je crains, moi, c'est qu'on ait des difficultés dans un contexte comme celui-ci, avant même que justement campagne pour l'édition de la viande soit minimum comprise, connue, enfin, qu'on ait du mal à pouvoir s'organiser dans les bonnes conditions dans un contexte qui pourrait être. Mais c'est quand je posais la question, c'est que je ne sais pas assez pour. Mais juste me poser la question. Et je voudrais savoir si vous en savez plus sur cette journée d'animal, si vous avez des gens qui ont parlé ou pas. Ça ne dit pas grand chose. Sinon, pour l'abolition de la viande, il ne peut pas y avoir en lien, enfin à côté en même temps ou avec, contre les corridas. C'est vrai qu'on ne tue pas pour la manger, là, si on la tue pour le plaisir, ça ne peut pas aller un petit peu ensemble. Tout au début des réflexions sur cette campagne, il y avait une première idée de campagne pour l'abolition du meurtre des animaux. Des corridas, de la chasse, de la viande. Maintenant, moi, je pense que c'est pas une bonne idée. J'ai un peu de mal à résumer pourquoi, mais c'est. La demande d'abolition de la corrida, les campagnes pour l'abolition de la corrida, ça existe déjà. D'accord. Donc, éventuellement, ça ne viendra pas après, quand ça sera établi. Mais en fait, ça existe déjà. Oui, il y a des associations qui bossent. Est-ce qu'on fait ici en France World Farm Animals Day, c'est la journée mondiale pour les animaux de ferme de Farm Animal Reform Movement qui se trouve en avril, je crois, sur l'anniversaire de Gandhi. C'est déjà un truc que je ne sais pas. Oui, enfin, souvent on a entendu parler, à un certain moment, la Veggie Pride était inscrite comme étant une action au sein de la World Animals Day. Je ne sais pas, ce truc-là, d'abord, c'est pas un jour, c'est pas vraiment un jour, c'est un peu une période, c'est en avril, et puis il y a des actions un peu tout le temps. C'est pas quelque chose dont j'ai l'impression que ça prend un grand relief avec. C'est pour les animaux de ferme, mais on peut être pour les animaux de ferme de telle. Enfin, peut-être que le message. Je crois que les gens qui lancent ça sont des gens qui sont vraiment pour l'abolition de la viande, mais que tel qu'il est exprimé, je trouve que c'est beaucoup plus faible, quoi. Et que. Et tu demandais aussi si c'était quelque chose en France qui tenait lieu. Non, c'est que d'après ma conversation, j'ai eu l'impression qu'on va avoir une autre journée au-delà de Veggie Pride pour la journée pour l'abolition de la viande. Et tu te demandais si c'était pas quelque chose de redondant par rapport à ce qui existe déjà. Nous, si on ne le faisait pas déjà ici, sur ce journée, on peut. Déjà avoir une journée pour les animaux de ferme, pour la police. D'accord, donc on aurait de. Oui. Alors qu'on a commencé en parlant de lancer le truc au même jour que le Betty Clive. Non, mais oui, moi je trouve que c'est une vraie question, quoi. Je pense que les estivales, comme je pense, oui, la Veggie Pride, dans une moindre mesure, souffre de cette vision de la vie générale, je pense beaucoup moins. Et de gens qui se connaissent déjà, qui se réunissent, les antispécistes définis comme un groupe, un contour bien défini. Et que si on veut éviter ce stigmate-là, si tant est qu'il faut penser que c'en est un sur. Cette journée-là, c'est à réfléchir, mais. Il n'a jamais été proposé de créer une journée pour un corrida personne n'a. C'est vrai qu'il y a beaucoup de journées de la femme. Mais je crois que ça n'a jamais été discuté. Il y a créé son ensemble. Oui. La journée sans viande, il y a les journées mondiales végétariennes, qui ne sont pas à un moment. Il y a. Journée sans viande, ça évolue bien avec la mission de la viande. Je pense que ça sera la personne. Après, je ne sais pas, c'est que. Je me manifeste aussi, après ça, je pense que je me sens. Qu'est-ce Mais je pense, malgré tout ça, que la BG Pride est quand même le meilleur événement avec lequel le lier. Parce que enfin, c'est. La BG Pride, une expression du refus de manger les animaux pour les animaux, ce que n'est pas la journée mondiale végétarienne. Pas aussi clairement, j'ai l'impression, la journée sans viande, toutes sortes d'arguments, si je ne me trompe pas, sont mis en avant, quoi, pour refuser la viande, pas seulement les arguments liés aux animaux. Et que du coup, j'ai l'impression que ça donnerait toute la force à la Vigipride, d'autant que à cet événement de lancement, de lier les deux, quoi, sans les fondre l'un à l'autre. Quoi. Enfin, que les participants de la Vigipride sont quelque part des personnes qui boycottent, et donc il y a un axe fort, je veux dire, il y a un boycott en France, donc il y a quelques centaines, peut-être toujours là, des gens qui manifestent, mais qui représentent les centaines de milliers, les plus d'un million, les dizaines de milliers de gens dans le monde qui boycottent la viande. C'est pas rien de prendre conscience de ça, puisqu'aujourd'hui, déjà, il n'y a pas conscience qu'il y a des gens qui boycottent la viande. On dit qu'il y a des végétariens, mais on est en gros tous nés végétariens, parce que c'est normal, quand on a toujours été comme ça, qu'on sera toujours. Comme si on était des blonds, des gens aux yeux noirs, enfin, ça, comme si ça faisait partie de nous, quoi. Comme si c'était pas un choix politique aussi. Donc, je trouve qu'il y a ce côté-là qui est fort dans la Vigipride, qui vient vraiment soutenir la revendication de l'abolition. Comme disait Gaby, il y a des gens qui sont contre la viande et en plus qui font un acte fort tous les jours de refuser de la boycotter. Moi, je suis quand même tenté de continuer d'associer les deux, quoi. Malgré le risque que tu évoques. Tampon, voilà, petit groupe antispéciste qui fait ça, mais je veux dire ça, dans mon avis, pas dire au monde à contacter et qu'il y a un soutien, car à mon avis, on aura bien plus facilement d'associations étrangères à la démarche et qu'on commence à annoncer qu'il y a un machin qui vient, truc qui vient, tel à ceux qui viennent, tel et tel pays, assez vite, ce problème-là, il va disparaître, je pense. Même si on va encore trouver, peut-être dans les ordinateurs, David Olivier qui est marqué, légal antispécisme. On ne peut pas se cacher non plus, je veux dire que. Moi, en tant qu'antispéciste, j'ai envie de dire aussi, c'est pas une tare, quoi. Enfin, je veux dire, les trucs qu'on fait, on les fait à visage découvert. On fait les estivales en disant les estivales sont ouvertes à toute personne intéressée par la question animale. C'est pas du pipeau de dire ça. Mais en même temps, je suis antispéciste et j'ai pas envie de cacher que je suis antispéciste, quoi. Je veux dire, je vois pas pourquoi. Alors que d'autres disent, ah, c'est le truc des antispécistes, c'est une rencontre antispéciste, faut être antispéciste. Bon, mais tant pis pour eux, quoi. S'ils sont cons, ils sont cons. Les antiracistes, ils avaient invoqué un holocauste et touche pas à mon pote. Ça aurait fait un peu pareil. Oui. Touche pas à mon pote au feu. On va avoir en face, je veux dire. Hein? Non, mais le compte. Non. Ah oui, touche pas à ma patte. Ah, mais c'est ce que tu as dit. Non, il parle, touche pas à mon patte. Touche pas à ma patte. Touche pas à ma patte. Ouais. Ton la main comme ça, puis la patte de chien. Ouais. Ouais. Elle est bien celui-là. Ouais. Mais touche pas à ma patte. C'est quoi le réseau? Tu diras si tu n'as pas de patte. La patte, c'est pas les antispécifiques. Moi, je fais une variante avec des spaghettis, touche pas à mes pattes. Un collectif, tu as compris. Un collectif, c'est quelques personnes spécifiques de Paris. Ah, je sais pas, ils sont venus. Et pourquoi ils sont pas venus? Dommage, ils sont pas venus, ils sont pas là. Ah, c'est marrant. Ouais, sur le site, dommage. Ils ont, c'est un point comme ça, et puis une patte de chien. À côté de lui. Ah oui, je vois. Elle est bien celui-là. Bon. Ils sont jamais venus aux estivales, les collectifs antispécistes de Pâques? Mais si, il y en a qui sont venus. Ah bon? Enfin, là, cette année, je sais pas, il y en a. Enfin, il y en a tous les ans, il y en a eu, quoi. Enfin, il n'y a pas une. Est-ce que c'est plutôt inviter les associations? de dans un an et demi, enfin de la de 2008. Parce que ce que, enfin moi je commence à, enfin je sais pas si c'est adopté l'idée de le faire en 2008. Enfin moi j'ai tendance à me dire qu'effectivement 2007, enfin même si j'aimerais que les choses se passent le plus vite possible, je me dis que pour être réaliste, vaut mieux se dire 2008. Et que 2007, on ferait qu'un truc, ici, une soirée pour l'abolition, ou un truc comme ça, le soir de la Veggie Parade, quoi. Et on a invité des gens en 2007, si on peut. Ben, si on peut, mais je veux dire, sans que ça soit, on vous invite pour faire, je veux dire, on n'invite pas une Great New Core, quoi. Enfin, on l'invite, mais... voilà. En gros, c'est aussi, pour résumer, pour une métaphore, c'est on invite, enfin 2007, c'est on se réunit pour faire le plan de la fusée, on la construit, puis 2008, on la lance. Oui, donc justement, Ariel Dombal, par exemple, on n'invite pas. Ariel. En 2008, elle. Hein? En 2008, mais en 2007, on invite Beta, tout ça. En 2000. Moi, je dirais en 2007, c'est on dirait aux personnes susceptibles de participer à la Vigipride qu'on invite, donc y compris un peu, ça touche des militants étrangers, dans une petite mesure, mais quand même, quoi. En Europe, en tout cas, c'est quand même. On explique que, alors, dans le programme de la Vigipride, ou en marge de la Vigipride, sachez qu'il y a aussi l'organisation de cette soirée-là, qui vise à faire le point, le bilan, un petit peu comme ce qu'on avait mis au programme cette année pour les estivales. Et à préparer l'événement, le lancement de la campagne mondiale pour l'année suivante. Tu vas expliquer un petit peu ça, et que toute personne est bienvenue à ce truc-là. Et si ça peut inciter des gens qui ne seraient peut-être pas venus à la Vigipride sinon de venir à ça, bah, tant mieux. Quoi. J'aurais tendance à. Oui. Ouais, mais pour moi, c'est plutôt un truc des participants de la Vigipride et des personnes intéressées à la campagne, quoi, qui seraient intéressées depuis les. En fait, c'est ma question. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'on va aller contacter des associations pour leur dire qu'on va lancer tel jour la campagne sur l'abolition de la viande et pour les solliciter pour participer à l'organisation et pour nous, de façon à mettre leur nom un petit peu sur ce. Enfin, c'est-à-dire aussi leur nom pour. Tout à fait, après il y a une interaction à voir sur qui, comment, quoi, quand, tout ça. Mais absolument, oui, je suis convaincu que c'est comme ça que ça peut marcher, avec des gens qui vont porter des moyens, du temps, de l'énergie, de bonne volonté, un soutien. Et même du coup préparer le fait qu'ils vont faire venir beaucoup de gens parce qu'ils auront le temps à l'avance d'en faire de la pub, de voir. J'aurais tendance à. Oui. Enfin, à dire que qu'on devrait. Pour 2007, pour la soirée abolition 2007, faire une liste d'organisations séparées de la liste de Vegipride. Parce que jusqu'à maintenant, la liste de l'after de la Vegipride, donc la soirée après la Vegipride, ça a toujours été le truc. Bon, ça fait pas partie officiellement de la Vegipride, c'est bien de l'avoir, c'était un peu le parent pauvre. On cherchait en dernière minute un local, et puis on se disait oui, ça serait bien qu'on puisse bouffer tous ensemble, et puis. Bon, François, il faisait la bouffe. Bon, c'était bien, mais je veux dire... alors que là, si on en fait un événement séparé et d'une certaine façon indépendant de la Veggie Pride, indépendant, même s'il y aura une bonne partie des gens qui feront les deux, mais je veux dire, un élément à plein titre avec... bon, c'est beaucoup plus motivant. En même temps, on peut se dire, cette liste se chargerait d'organiser pour 2007. À côté de ça, il y a la liste abolition groupe qui... enfin bon, je veux dire que c'est un autre problème, une autre problématique de l'organiser pour 2008, quoi. Enfin, je veux dire, la soirée de lancement en 2008, c'est un autre truc. Oui. Enfin, tout ça avec des liens, évidemment, je veux dire, c'est pas des trucs où... Mais... parce que bon, organiser une soirée comme celle de 2007, enfin, je veux dire, c'est du travail pratique aussi, quoi. Je veux dire, c'est... C'est un peu comme la VP. Ça fait peur pour la masse, non ? Mais là, je ne sais pas si comment tu es parti. On était. Maintenant, on est pour organiser l'événement de lancement mondial, genre mutualité, en 2008. Dommage. Oui, mais enfin, moi, ça ne me paraît pas réaliste de pouvoir monter un événement pareil, en fait, dans un camp temps qui est super court, parce que si on veut faire un truc mondial, on fait venir des gens de loin, y compris des États-Unis, enfin, c'est, a priori, il faut qu'ils aient un programme déjà relativement clair à la fin de l'année, là, enfin, d'ici 2-3 mois, qu'on sache la base précise, la salle, les éléments de tarif aussi, enfin, s'ils doivent contribuer à l'organisation, quoi, 2000 euros, tout ça. Et ça, à mon avis, c'est pas réaliste, sachant qu'il y a aussi la. Rien que déjà la Fashion Pride a organisé aussi en même temps. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est organiser une première soirée liée à la, enfin, en marge de la Fashion Pride 2007, qui viserait à faire avancer le schmoubik et à rencontrer physiquement des gens, là, des sous étrangères notamment, enfin, pour discuter de l'événement de l'année suivante, quoi. Qui aurait pu déjà avancer entre temps, enfin, voilà, ça peut être de faire un point dans cette soirée, notamment sur ce truc-là, quoi. Moi, je ne sens pas d'élection. Cette soirée, on va faire payer 1 euro à chaque fois, comme ça, on va financer la location de la mutualité. Le jour de la Vichy Pride, le samedi soir, la VP du samedi, le samedi soir, c'est pratique, quoi. Les gens qui ont le week-end à Paris. Que, pardon, que le. Pas une soirée de lancement. Que la soirée de 2007 serait une soirée de préparation de la. Ben, moi, j'ai rien contre le fait que ça soit une soirée qu'on utilise pour ça en partie. Enfin, je veux dire qu'il y a un débat. Ben, je trouve ça même très bien. Bon, en même temps, il y a beaucoup de choses à faire dans cette soirée-là. Enfin, je veux dire, si on dit aussi que. Qu'il y a la bouffe et puis que. Mais bon, si, on peut se dire qu'on fait un débat, quoi. Enfin, qu'on fait un débat, qu'on fait une rencontre, qu'on fait. Mais en même temps, j'aurais pas tendance à dire que ce serait là qu'on s'attendrait à ce qu'il y ait beaucoup de choses pratiques qui soient faites, à ce qu'il y ait des décisions de prise. Enfin, je vois pas une légitimité particulière à ce que les gens qui seraient là prennent des décisions. Enfin, moi, je vois plutôt les décisions comme étant prises au fur et à mesure sur les listes d'organisation, quoi. Enfin, je veux bien qu'on. Enfin, je vois plus ça comme étant une soirée de rencontre, de débat, de confrontation, de réflexion, de. Circulation de matériel, voilà. De papier. Voilà, plus qu'une soirée de travail au sens propre. Est-ce qu'on peut faire aussi des bilans? Un petit bilan pour ceux qui peuvent. Oui. Ce soir-là? J'imagine que ça va passer naturellement. Voilà, un point sur que. Voilà, enfin, oui, oui. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qu'elles disent? Qu'est-ce que c'est que cette campagne? L'expliquer pour tous les gens qui sont là, pour qu'ils sont en train de se faire. Et un petit bilan sur les animaux aussi, ce qu'ils ont vécu. Un début, un bilan sur les animaux, un bilan sur les actions, puis après la campagne. Un bilan sur les animaux, je ne sais pas, à discuter. Un bilan sur la campagne, oui, ça serait le cas, ça serait l'objet de la soirée. Ouais. En même temps, essayer d'intégrer finalement des éléments pour qu'une personne qui ne connaisse rien comme un journaliste puisse un petit peu avoir quand même une sorte d'échantillonnage de tout. Enfin, un petit minimum. De tout. Enfin, dès le début de la séance, on recadre bien tout du début jusqu'à maintenant et jusqu'au futur pour qu'on ne dise pas directement tiens on fait une campagne d'abolition de la viande, on en est là, mais on parle bien, bon alors il y a eu les animaux, ils sont trop ça, il y a les canards qui sont là, les animaux, enfin, voilà. Après bon, il y a des associations qui s'occupent de ça, et ça fait, et maintenant donc on discute, on se rend compte pour travailler sur la campagne de l'abolition de la viande. Oui, mais cette soirée-là, c'est. Moi, je suis d'accord avec pas une soirée de travail, quoi, mais plus une rencontre pour faire connaître la campagne, voir. Enfin, oui, ça, faire connaître, faire un point, discuter de manière formelle, là, parce que les gens sont mis ensemble, discutent, picolent. Il faut que ça se. C'est peut-être pas une réunion, quoi. Enfin, voilà. En place de mon rencontre par travail, juste le point que je vais dire, c'est qu'on passe bien le contexte. Quoi. Il faut que ça soit ouvert à tout le monde, c'est-à-dire que y compris des gens qui ne sont pas végés, contrairement à la Vichy Pride, que la soirée soit ouverte à. Vous avez Oui. Oui. Ben, le défilé de Happening aussi. Et là, oui. En même temps, c'est le second de Jonathan qui n'était pas végétarien, qui avait déjà pas été devenu végétarien. C'est quoi? Hein? T'as quoi? J'ai eu bien dit, je suis avec vous, mon Dieu. Et sur le principe que je n'étais pas végétarien et je comptais bien défiler quand même. Voilà, donc c'est pour ça que ce serait bien d'ouvrir peut-être une ligne dans l'autorisation. Ça, c'est une autre question, je te coupe en fait brutalement, mais qui est régulièrement, c'est-à-dire 2-3 fois par an, posée quand des personnes s'inscrivent sur les listes de la Vigipride et rediscutée à ce moment-là. Quoi. Moi, je ne souhaite pas qu'on nous débatte ici, c'est. D'accord. Bon, pas l'objet. Ça veut pas dire que c'est très bien organisé pour autant. Je pense que ça manque un peu de temps en temps de se rencontrer, de s'appeler au téléphone et qu'on a trop le réflexe du mail. Alors des fois, au moins le téléphone serait utile. Que ça manque un peu de ne pas se rencontrer de temps en temps. Quoi. Voilà. Non, mais il y a des problèmes de la distance voilà, qui fait que c'est comme là à Lille, à Paris, à Lyon, à Marseille, tout ça, c'est vraiment compliqué. Par exemple, admettons, le pseudo-rond, ils sont quatre, admettons, il y en a un qui fait des mails, tu vois, et puis hop, une fois en novembre, une fois en février, ceux par région, ils se réunissent, et puis peut-être comme ça, ils pourraient voir où ils en sont, et puis après, non, mais c'est... en plus, non, ils sont plus. Ouais. Qui a mis quoi, qui s'occupe de quoi, etc. qu'il y a un wiki. Moi, je me vois direct sur les mails. Mais avec le wiki à côté, du coup, c'est bien compliqué. Ça avait décroché les mails, en fait. Les décisions qui avaient été prises, ou les gens qui ont changé un truc, c'était reporté sur le wiki. Et puis, par le wiki, tu avais une vue d'ensemble. Donc, je pense que c'est plus simple de faire tout ça par Internet. Il n'y a pas forcément besoin de se fixer un rendez-vous dans cette semaine ou chaque mois. Je ne dirais pas qu'il y a pas de monde, je dirais que c'est compliqué. C'est compliqué et cher. Ouais. Parce que ça demande, en fait, ça demande déjà d'organiser la rencontre, la réunion. Sur la liste, admettons qu'il va y avoir une liste de l'organisation de cette journée, pour la position de l'avion. De laquelle de... Donc, bah, déjà 2007, on aura une pour 2007. Et il y en aura une de liste. De soirée. Enfin, moi, c'est mon idée. Ouais. Et est-ce qu'il pourrait y avoir des personnes qui seraient, mettons, responsables de mettre de côté des messages qui concernent tel domaine? Ben, c'est ce qu'on disait avec l'histoire du wiki, c'est ça, c'est... Ben, le wiki, c'est tu mets de côté l'information qui est donnée dans ton wiki, tu la sors de son wiki pour la mettre sur un site internet, en fait. Ouais. Et du coup, même si tu ne suis pas les mails, tu peux quand même avoir une idée de ce qui s'est déjà dit et ce qui a déjà été décidé de dire une chose, même si ce n'est pas tout là, mais... Okay. Sinon, pour dire la suite de la discussion de ce soir, pour moi, elle va se poursuivre un peu à divers endroits naturels, enfin légitimes, qui sont la liste de la Vigipride, même si dans un second temps, moi, c'est en tout cas ce sur quoi j'argumenterai en phase avec David, sur le fait que cet événement devra se déconnecter de la Vigipride. Enfin, je parle déjà de 2007. Ouais. Bon, après, et sur la liste abolition, hein, ne serait-ce que pour informer déjà des discussions qu'il y a eu ici, des divers aspects, des choses comme tout dit. Quoi. Voilà. Après, moi, je ne vois pas plus précisément encore. Voilà. Après, des choses vont dessiner de, au moins de ce qui pourrait être dit sur ces deux listes-là. Quoi. Voilà. Bon. On a bien avancé, on a bien travaillé. Il y a plein de choses positives qui sont construites. On a encore trouvé. Historique même. Un jour les gens diront. Par contre, François, il va se faire un petit peu pour ça. Moi, je les entends. Mais moi, je suis sûr. Mais oui, c'est vrai. Enfin, je veux dire, c'est pas idiot de dire ça. Quoi. Comment ouais, c'est pour la nostalgie. N'empêche qu'il y a plein de trucs que, comme je disais, ce côté-là. Le Vigipride, c'est quelque chose d'historique, moi, je pense. Enfin, ouais. Les historiens qui font l'histoire de l'abolition de la bombe, la question animale, ils vont logiquement dire un jour, des gens à Paris ont commencé à manifester telle année. Ils n'étaient pas nombreux au début, mais voilà le texte, ils mettaient un petit extrait de ce qui s'était dit, c'est la première fois que ça se faisait. Enfin, voilà, quoi, c'est. Ouais. La synthèse Marie-Marie, Vigipride, c'est quoi la première année 2002 2001. C'est, on a fait ça en 2001, c'est facile à retenir. Première 2001, oui. Sixième 2006. 2001, c'est l'espace de la Vigipride. C'est l'espace. Dans la série Idées démocratiques, j'ai eu la géniale idée tout à l'heure qu'on pourrait. Non, qu'on pourrait. Alors, je ne sais pas par quel moyen technique, mais permettre aux gens qui font la cuisine et qui sont en bas, mais pas pour cette année, d'avoir des écouteurs sur la tête où ils entendraient les débats qui se font ici. Éventuellement un micro, j'avais pas pensé au micro, mais... Non, mais parce que techniquement, c'est un peu plus compliqué, parce qu'aussi... Pourquoi maintenant on a 4 avec un micro? Hein? C'est hyper facile, même quand tu fais la cuisine. Même si, quand? Même quand tu fais la cuisine, avec un micro, ça marche. Oui, mais il faut avoir un interrupteur, marche arrêt ou un truc comme ça, puis ils peuvent pas lever le doigt pour prendre la parole. Donc, si tu mets pas un interrupteur marche arrêt, t'entends par... enfin, t'as le haut-parleur là, et t'entends tout le temps scritch, scritch, scritch, il coupe ses oignons, et je veux dire... Puis qui... Non mais bon... Demain... Pardon ? Demain matin, il y a, je vous dis, en gros que moi, éventuellement Yves, enfin, il y a Jean-Pierre Huguet qui est un éditeur de Saint-Julien, avec qui Isabelle nous a mis en contact, donc il va passer là, je vous dis, voilà, vers 8h30, 9h30, entre les deux, pour discuter des possibilités d'édition, notamment voilà, pour le rapport Vinra. Bon. Mais c'est une diffusion plutôt. Et puis après, il y a le bilan des estivales. On ferait ça dans la matinée, je pense. De toute façon, après, c'est à 10h comme d'hab. Donc à 10h comme d'hab, voilà. De l'ordre des choses. Parce que, enfin, moi, si le débat, c'est le matin, clairement, oui, est-ce qu'on nettoie tout et puis après on peut faire deux phases. Ah, moi, il faut que je nettoie mon chalet. On nettoie le matin et tout ça, on mange et ensuite on fait le bilan. Mm-hmm. Voilà, je préfère que ce soit le bilan et que tu nettoies pas. Voilà. Tu sais pas comment tu casses les chalets. Non, mais le bilan, c'est plus important. Ouais, alors tu as rien. Le problème que je vois un peu, c'est si on fait le bilan le matin, après il y a des gens qui, soit par finantisme, soit par obligation, vont partir. Qui vont aller retourner, tout ça, et le ménage, c'est un peu des derniers qui vont rester, qui eux-mêmes vont peut-être être à la bourre. Pour finir, ménage, je crois qu'il y a un truc à faire. Enfin, je pense qu'on va avec le premier. Et puis au plus d'enregistrer, pour le public du ménage. Non mais moi, je, oui, je peux arrêter d'enregistrer, oui. Ce soir, j'ai pas envie de finir un petit peu au super. Non, mais c'est pas ça. Puis, demain matin, on commence la journée par commencer à se mettre au nettoyage. C'est 22h36, vendredi.